Vous écoutez RTL et il est exactement 16h. L'information, c'est avec vous, Alexandre de Saint-Aignan. Alexandre. Une procédure inhabituelle à Nice. Le procureur Jean-Michel Prêtre a été lui-même perquisitionné à son propre domicile par plusieurs juges d'instruction, accompagné par des policiers de l'Office anticorruption dans le cadre d'une enquête très sensible sur la succession du Negresco. Le procureur est soupçonné d'avoir favorisé un candidat à la reprise du célèbre palace niçois de la promenade des Anglais. Jean-Michel Prêtre n'a pas été placé en garde à vue. Le procès du double meurtre de Montigny-les-Metz à la cour d'appel de Versailles. L'avocat général a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre Francis Holm. Comme en première instance, le tueur en série continue de nier le meurtre de deux enfants en 1986, une affaire dans laquelle Patrick Dils avait fait 15 ans de prison à tort avant d'être libéré. Airbus, visé par une nouvelle enquête, cette fois aux États-Unis. L'avionneur européen a réagi dans la foulée, assurant coopérer avec les autorités américaines. Airbus fait déjà l'objet d'investigations par le parquet national financier en France, mais aussi par la justice britannique pour des irrégularités sur des transactions. L'annonce de cette nouvelle procédure judiciaire a fait chuter le titre du groupe aéronautique européen en bourse. Encore un manifestant tué en marge du mouvement des Gilets jaunes. Un homme de 61 ans a été renversé par un camion ce matin sur un barrage dans le Lot-et-Garonne. Originaire de Villeneuve-sur-Lot, les Gilets jaunes de cette commune ont décidé d'entamer une marche blanche cet après-midi pour lui rendre hommage. En parallèle à l'Assemblée nationale, les députés examinent cet après-midi le texte sur les mesures d'urgence économique et sociale promises par Emmanuel Macron face à la crise des Gilets jaunes. Le chef de l'État tente de continuer ses déplacements en région. Il était tout à l'heure dans un centre de la Fondation Action Enfance dans l'Aisne à Soissons. Une visite qui ne figurait pas à son agenda officiel. La météo pour demain, un ciel encore bien gris et pluvieux sur les trois quarts du pays avec du vent qui va souffler en rafale à 70-80 km/h dans les terres, 90 sur les côtes atlantiques et 100 localement sur les crêtes des Vosges. Quelques éclaircies attendues de la Manche à la frontière belge. Un ciel toujours calme et lumineux sur le pourtour méditerranéen. Les températures pour demain après-midi, 8 degrés à Grenoble, 11 à Clermont-Ferrand et à Toulouse, 13 degrés à Saint-Brieuc, 14 à Paris et à La Baule, 16 degrés à Biarritz. Fabriqué en France, les oreillers et couettes Cola Normand vous apportent une récupération optimale. Oreillers et couettes Cola Normand, chaque matin, partez gagnant. Les courses, c'est à Cabourg. On continue de suivre les arrivées avec vous, Claude Piersanti, avec d'abord un rappel du quintet. Oui, combinaison gagnante du quintet, 7, 16, 3, 4 et As. Une combinaison qui est payée 5 205 €. Dans la quatrième course, victoire du favori, le 16, Express Duo, 1,80 à 50. Deuxième, le 12, Elixir Dovaki, 2,50. Troisième, le 9, El Fuego de Bèze, 4,40. Quatrième place pour le 4, Éloge de Lara. La cinquième course a été gagnée par le 2, Formenteur, entraîné et drivé par Thomas Lévesque. Il y avait 13 contre 1. Deuxième place pour le 4, Falencio, 16 contre 1. Troisième, le 12, Fosbury, 4 contre 1. Et quatrième, le 10, Fitzy Dream, 3 contre 1. À tout à l'heure, Claude Piersanti. Il est 16h03 sur RTL. Voici Laurent Ruquier et ses grosses têtes. RTL. On a tellement de choses à se dire. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui connaît plein d'histoires de Noël, mais des histoires à raconter uniquement quand les enfants sont couchés. Jean-Marie Bigard. Bonjour, bonjour à tous. Une grosse tête dont les histoires sont plus documentées que celles de Jean-Marie Bigard, Christine Ockrent. Une grosse tête qui laisse ses chaussures dans sa voiture au pied du petit sapin vert, Chantal Latsou. Bonjour. Une grosse tête qui n'est pas le Père Noël, mais qui est aussi une légende à lui tout seul, Pierre Bénichou. Une grosse tête qui préfère la tournée des idoles à la tournée du Père Noël, Christophe de Chavannes. Bonjour, bonjour. Et enfin, une grosse tête qui a toujours le nez aux couleurs de Noël, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Ça va, vous avez terminé votre coup de fil, monsieur Bénichou? Non, parce que je vous voyais téléphoner pendant que je faisais les présentations des uns et des autres. Je vous dérange peut-être. Ah. Oui, parce que j'ai oublié ce matin dans la salle de bain. Oui. J'étais en train de laver les dents, tu sais. Bah. J'enlève toujours mon téléphone quand je Pourquoi me lave les dents. Pourquoi vous faites pas faire ça par quelqu'un d'autre? Ça les dégoûte. Et alors, vous étiez dans la salle de bain et donc... Qu'est-ce qui m'arrive pas, j'oublie mon téléphone. T'es fasciné par ma vie, toi. Hein. C'est autre chose que ton mec. Hein. Pierre s'adresse, je fais les sous-titres, à une dame au premier rang. Comment qu'elle s'appelle? Elle est en quelle classe? Qui elle préfère? Son papa ou sa maman? Et donc, le téléphone est dans la salle de bain, disiez-vous? Je l'oublie. Et alors? Ben, il l'a pas. Et comment vous voulez appeler votre téléphone si vous ne l'avez pas? Pourquoi voulez-vous qu'il appelle son téléphone? Oui. Pour retrouver le numéro de sa femme. Alors, j'appelle ma femme. Vous savez même pas que vous aviez une femme. C'est nouveau, c'est ça. C'est vrai. Dans l'appartement, c'est dur. Hein. Je la laisse à la campagne, mais... On a tous plus ou moins une femme. Ouais. Oh gaffe, bah non. On l'a tous en nous. Quelque chose. Oh merde. Putain, j'ai encore gaffé. Mais non, si t'appelles de mon portable, elle va pas être jalouse. Tu sais, quand je me suis marié, elle m'a dit, si tu connais des putes, c'est pas grave. Ça, c'est gentil pour Chantal. Je crois que je ne voudrais pas, c'est connaître une femme que tu connaisses, à part moi, une femme honnête. Jean-Marie Bigard, je propose... Ah oui. Quoi, c'est Jean-Marie Bigard de la télé? Oui. Non. Oui, c'est le vrai. Oui. Je propose qu'avant... Je savais qu'un jour, je serai à côté de lui. Je propose qu'avant une première citation, on ait une belle histoire... Ah oui. ...qui soit autre que celle du téléphone portable oublié par M. Ménichou. Un truc avec un peu plus d'intérêt et de classe. Bien sûr. Une mise en jambe. Mais j'ai l'article. C'est précisément un mec, justement, il a essayé de trouver une femme toute la nuit. Il rentre bredouille à la maison. Et en passant devant chez son voisin, il voit dans le jardin une douzaine de citrouilles. Énormes, tu vois. C'est là que ça va plaire à Christine tout à l'heure. Et ça, je sais pas ce qu'il lui prend. Il escalade la clôture. Il se met à genoux devant un énorme... J'ai peur, Christine, bouchez-vous les oreilles. Il se met à genoux devant la citrouille. Il la claque un petit peu comme ça, tu vois. Sort sa bite. Ah ouais. Et puis il se met à dire des mots, tu sais, qu'on dit parfois dans l'intimité. Et là, il prend son opinel. Et il décide et de il faire un trou. Non, il se la coupe pas du tout. Il décide de faire un trou dans la citrouille. Il se met au bord... Il attrape la citrouille comme ça, tu vois, par les hanches, j'allais dire, mais il attrape la citrouille, cac ! Il défonce la citrouille. Alors il se met à limer comme un malade et tout d'un coup, il entend tut-tut ! Il se prend les phares d'une bagnole de flic en pleine gueule. Et le flic, avec son porte-voix, il dit « Qu'est-ce que vous faites, monsieur ?» Il dit « Voyez bien que je suis en train de baiser !» Et le flic, il dit « Mais c'est une citrouille !» Le mec, il dit, merde, on a déjà dépassé minuit. Ah oui, elle est pas mal. Vous en avez une aussi, monsieur de Chavannes, pour Noël? Oh, mais j'en ai une beaucoup plus délicate. Hein. Ah, allez-y. Moi, c'est ça aussi. C'est ce qu'on m'avait dit. C'est... Oui. Oui, mais ça n'est pas une mauvaise réputation. Allons-y. Non, c'est deux copains qui sont au bar, mais ils sont un peu sous, c'est un peu avant Noël, c'est un peu la dernière d'une émission, ils sont un petit peu pétés. Et puis, il y en a un qui dit à l'autre, quand même... Quand tu rentres à la maison, tu ne fais pas un petit peu... tu ne fais pas engueuler? Ah, tu dis, ah si, je fais engueuler. À chaque fois que je rentre bourré, je me fais mais engueuler par ma femme. Il dit, bah, moi j'ai trouvé un truc. Ah, mais qu'est-ce que tu as trouvé comme truc? Ah, j'ai trouvé un truc imparable. Imparable. Je rentre, quand j'arrive devant la porte, et j'enlève mes godasses, je rentre dans l'appartement, tout doucement, sans faire de bruit, je vais jusqu'à la chambre, que je rentre dans la chambre, il y a ma femme qui dort. Elle m'a pas entendu. Je soulève la couette et j'y fais minette. Quoi? J'y fais minette. J'y fais minette. Oh. Ah oui, pardon, oui. Et j'y fais minette. Il lui bouffe la chatte, quoi. Alors, j'y fais minette. Et l'autre, il dit alors. Oh non, Pierre. Et l'autre, il dit alors. J'y fais minette, elle est contente. Ah oui, elle s'endort. Avant de pas, je suis pédard. Alors tu dis ça, c'est pas con. Allez, on s'en jette un petit. Il s'en jette un dernier, il rentre, il est totalement défoncé. Il est devant la porte, il dit, il retire ses chaussures. Il ouvre la porte, il va jusqu'à la chambre. Et là, il se lève la couette. il rentre sous la couette, et là, sa femme est dehors, il fait minette. Il fait minette, et sa femme, ah, ne vous demandez pas encore ce que ça veut dire, vous, hein. Et sa femme, paf, elle monte, paf, et paf, elle se rendort. Ah, il dit ça, ouais, ça, c'est un bon plan, ça, je vais m'en jeter un petit. Alors, il sort de la chambre, il traverse le salon, dans le noir, et puis il y en a un dans la cuisine, tac, il se cogne un truc. Il se cogne. Et là, il y a sa femme qui se réveille, qui fait, oh! Mais t'es encore là, toi, mais arrête de faire du bruit, il y a maman qui dort dans la chambre. Ah oui. J'en ai une petite. Regardez la tête de Jean-Marie qui d'un seul coup voit qu'il y a de la concurrence. Oui, bah oui, oui, je vois ça, oui. Chantal, on s'en va, non, tu connais le mec dont le docteur lui dit, votre femme, elle en a plus pour longtemps, hein. Je crois que c'est foutu, je crois que notamment on en a pour 3 jours, pas plus. Il lui faudra un choc émotionnel formidable, ou gagner à la loterie. Alors il est triste, il n'a pas gagné à la loterie. Et il fait l'amour désespérément à sa femme toute la nuit. Elle se réveille le lendemain matin, il dit un peu de jambon pour le petit déjeuner, j'espère. Alors il dit quoi, mais si tu manges, tu n'as pas mangé depuis 8 jours. C'est un peu de jambon, un peu de café, va m'acheter des croissants. Elle se retrouve, mais dans un état de santé extraordinaire, pour avoir couché avec sa femme. Et il est fou de joie, il est content, et tout d'un coup, il éclate en sanglots. Elle dit, mais pourquoi tu pleures? Elle dit, quand je pense, j'aurais pu sauver maman. Ah, c'est très bien. Ah oui. Ah, très bien. Chantal, alors? Alors, c'est 2 blondes qui sont dans les bois. Et je crois que je vais arriver à la fin. Et deux. Ah bah, vous savez, vraiment, si vous voulez avoir un peu de temps pour vous en rappeler, on se retrouve après la pub, alors, Chantal. Laurent Ruquier et les grosses têtes. C'est jusqu'à 18h sur RTL. Le grand jeu RTL de Noël. Jusqu'au 25 décembre, une avalanche de cadeaux déferle sur RTL, parmi eux des MacBooks, des iPhone 10, des téléviseurs 4K, des consoles de jeux, des croisières fluviales, des voyages de rêve au Vietnam et en Californie avec Salin Holidays, le spécialiste des circuits accompagnés à travers le monde. Aujourd'hui, vous allez jouer les amis soit pour un MacBook Air ou bien un voyage de rêve à la rencontre du Vietnam, du delta du Mékong à la baie d'Along avec Salin Holidays. Très très beau voyage. Alors, pour jouer, c'est très simple, vous vous inscrivez dès maintenant sur le 3210 ou encore vous envoyez RTL par SMS au 74 900. On joue tout à l'heure, ensemble, à 17h40. On y va, inscrivez-vous. À tout à l'heure. Marc, qui prépare ses fêtes de fin d'année, demande à la responsable du rayon frais. Avez-vous une idée pour une belle entrée? Oui, demain avec votre carte U, vous avez 40% offert en euros carte U sur l'étui de 10 tranches de saumon Atlantique de Norvège U à 10,99€, soit 4,40€ versés sur votre carte U. Et Marc repart avec son saumon fumé, frétillant comme un poisson dans l'eau. U. Commerçant autrement. Demain seulement dans les magasins U participants. Liste sur magasinu.com. Étui de 375 grammes, soit 29,31€ le kilo, transformé en France. Pour votre santé, évitez de grignoter. Messieurs, dames, notre voyage continue, direction les montagnes de Noël. J'ai une bonne nouvelle, on va prendre le funiculaire de la fibre. Wow. Prêt pour le départ? Oui, oui. On va y aller, à la vitesse de la lumière. Oh, c'est haut, et en plus c'est beau. À Noël chez SFR, tout s'accélère avec la fibre. Jusqu'au 7 janvier, la fibre starter est à seulement 20€ par mois pendant un an, puis 41€. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49€. Et puis n'oubliez pas la pièce également de Laurent Ruquier, pourvu qu'il soit heureux. C'est au théâtre Antoine, c'est à Paris, avec Francis Huster, Fanny Cottençon et Louis Le Barazer. Allez-y, par exemple, ce week-end. Ça y est, votre mémoire est revenue. Ça y est, c'est 2 blondes qui sont dans un bois, elles cherchent un sapin pour Noël. Et alors elles cherchent, elles ne trouvent pas. Puis d'un seul coup, elles disent, bon alors, le prochain sapin qu'on voit, même s'il n'a pas de boule, on le prend quand même. Ah, ça valait le coup. Alors, Ça c'est poétique. C'est bien, il s'est fini comment? Mais vous l'avez raconté la semaine dernière aux grosses têtes à la télé. C'est vrai? Non, oui. C'est pas celui-là. Ah, c'est Philippe Manœuvre qui l'a raconté. Ah bon? Mais vous étiez là. Ah d'accord, oui. Et pourtant, Dieu sait qu'il est marrant, Philippe Manœuvre. C'est-à-dire que si vous racontez aux grosses têtes les histoires que les autres grosses têtes ont racontées la semaine d'avant, on va pas beaucoup avancer, Chantal. Ah oui, alors je vais raconter l'histoire d'une citrouille. Il y a un mec... Christophe m'en a rappelé une. C'est un gars qui est dans un état pas possible, il a 5 grammes dans chaque poche, et en le soir, c'est lui, comme nous, il dit il dort. Il enlève les godasses. J'ai l'impression que c'est du vécu. Oui. Il enlève les godasses. Il pousse la porte de la chambre, il se déshabille, et alors chacun à sa place. Lui, il enjambe sa femme pour aller à sa place, et la bonne femme ouvre un œil et fait « Ah, si j'étais un bistrot, tu t'arrêterais. Ah, » C'est joli. Et ça me permet de placer la toute première citation qui vous était destinée, Jean-Jacques Perroni, Jacques Thibaudeau, qui habite Sorel-Tracy, c'est au Québec, qui a dit « Je ne suis pas aussi pensé que vous, le saoul. » C'est français, bien sûr. Ah oui, d'accord. C'est mort. Pas aussi sous que vous ne le pensez. Et bravo, Chantal. Rabelais, non. C'est mort. C'est mort. Et c'est traduit, pour tout vous dire. Ça pourrait être I am not so sink you. Alors c'est Shakespeare. Drunk. Vous voyez, non, mais you are c'est... so good in English. Dean Martin, peut-être. Alors, un ami de Dean Martin. Frank Sinatra. Non, le meilleur ami de Dean Martin. Sammy Davis. Non. Je ne suis pas aussi pensé que vous, le saoul. Bah, le meilleur ami, attendez. Bah, non. À côté de Dean Martin, avec qui? Bah, Frank Sinatra. Non, celui qui a joué dans le film avec lui. Il pense pas le Rat Pack. Bob Hope. Mais non. Mais non, celui qui faisait tout le temps avec lui, là. Et qui a joué quoi? Elvis Presley? Non, pas Elvis Presley. Mais vous en oubliez un. Il y avait Dean Martin, puis il y avait. Sammy Davis. Ah, mais non. Mais non. Jerry Lewis. Bonne réponse de Christophe de Chavannes. Ah ouais. Ça va être dur de On la note, hein, s'il vous plaît. Ça risque d'être la seule. Une citation maintenant pour Aude Loisy, qui habite Viria, et ça sera plutôt pour Christine O'Krent, qui a dit « L'Angleterre et l'Amérique sont séparées par la même langue. » Winston Churchill. Non. Ah, c'est assez joli, avouez. Oui. D'Israeli. Non. Edgar Poe. Ah non, là, il s'agit d'un humoriste, dramaturge, essayiste, britannique d'ailleurs. Bernard Shaw. George Bernard Shaw. Bonne réponse. J'aurais même pu dire irlandais d'ailleurs. Une citation maintenant pour Julien Thibaudet qui habite Joigny, qui a dit « Il n'y a que les vivants pour avoir des cartes de visite imprimées. Les morts, eux, ont la leur gravée. » Ah, ouais. Français. Français, oui. Mort. Mort, oui. Il y a longtemps? Ah, il y a un petit moment, oui. 19e. Il est mort. Ah non, il est mort en 1979. Un auteur, Pierre Daninos, non. Un auteur-auteur? Un auteur-auteur. Les vivants n'ont de cartes de visite qu'imprimées, les morts, seuls, en ont des gravés. Est-ce que c'est un homme qui avait une espèce d'angoisse de la mort? Non, mais c'est un fervent catholique. Paul Claudel. Paul Claudel, non. François Mauriac, non. Antonin Artaud, non. Fervent catholique, Antonin Artaud, on aura tout entendu. Hein. C'était pas l'abbé Pierre. Ne suivez pas de diminuer les mérites de Chantal. Oui, quand même, je cherche. Elle a retenu un nom la semaine dernière, elle leur place. Déjà, elle n'a pas dit Florence Artaud. On va pas se plaindre. Elle n'a pas dit Passe-moi le râteau non plus. Vous voyez? Non, là, il s'agit d'un auteur. Gilbert Cesbron. Oh. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Les grosses têtes de Laurent Ruquier jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, c'est Elisabeth Martichoux. Je vous souhaite évidemment d'excellentes fêtes de Noël, chaleureuses surtout, en famille. Évidemment, à l'écoute de RTL, c'est aussi un peu la famille. Monoprix. Tu sais que t'es un expert en champagne quand tu sais exactement le nombre de bulles qu'il y a dans une flûte rien qu'en la regardant. Et tu sais que t'es vraiment un expert en champagne quand tu vas chez Monoprix les yeux bandés pour choisir à l'oreille la bouteille qui pétille le plus fort. Noël, c'est parti chez Monoprix. Profitez de la promotion exceptionnelle. Pour l'achat d'une bouteille de champagne Tétinger Prélude Grand Cru acheté, la boîte de caviar Barry Français 20 grammes est offerte jusqu'au 24 décembre seulement. Monoprix. Voir conditions de l'offre en magasin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La bonne idée bute pour les fêtes, c'est la 4e chaise offerte. L'idéal pour accueillir un Père Noël, ho, ho, ho. Une paire de rennes, et puis, bah moi quoi. Le Sweet Noël continue chez But. En ce moment, pour l'achat de 3 chaises identiques, la 4e est offerte. Oui, offerte. Sweet Noël, doux Noël. Voir conditions et produits concernés en magasin sur but.fr. Depuis plus de 60 ans et partout en France, les compagnons bâtisseurs construisent les fondations d'une société plus juste et solidaire. Ils viennent en aide aux personnes les plus fragiles et rénovent avec elles leur logement. Grâce à ces milliers de chantiers solidaires, ils reconstruisent l'espoir et font bien plus que rénover des bâtiments, ils restaurent des vies. Faites un don en vous rendant sur compagnonsbâtisseurs.eu. Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de Feu Vert. Ce temps de chien, ça hérisse le poil. Heureusement, Feu Vert et Michelin en font plus pour votre sécurité. En ce moment, en exclusivité chez Feu Vert, jusqu'à 80 euros offerts pour l'achat de pneus Michelin été, cross climate et hiver. 80 euros offerts, c'est ça la patte de l'expert. Valable en chèque cadeau ou jusqu'à 80 euros en bon d'achat. Voir sur feuvert.fr. Découvrez votre passion avec Festina. Danse, atelier créatif, fitness, coaching sportif. Achetez une montre Festina et bénéficiez gratuitement d'une initiation à une pratique sportive et artistique au choix. Offre valable jusqu'au 31 décembre, conditions en bijouterie sur passion-time.com. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le cadeau de Nicolas qui change. Avec 30% de remise sur le bijou diamant de son choix dans les espaces bijouterie Auchan, la vie en or. Moins 30% Nicolas. Repense à la tête qu'elle a fait l'an dernier quand tu lui as offert un aspirateur. C'est le moment de te rattraper, non ? Jusqu'à ce soir seulement, vos espaces bijouterie Auchan La Vie en Or proposent 30% de remise sur le bijou diamant de votre choix. Et vos cadeaux changent. Auchan. Hors promotion et catalogue en cours. Allez, nous retrouvons Laurent Ruquier avec ceci cette fois. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Bonjour Jean-François, Jean-François Dubois qui habite l'étang, la ville, c'est dans les Yvelines, c'est bien ça ? Oui, bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Ah bah, les grosses salut, têtes. Salut. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, toi ? Vous faites où le réveillon de Noël, Jean-François ? Je fais en région parisienne, chez les beaux-parents de mon fils. Ah bah tu vas te marrer, tiens. Ah ouais. Voilà, si, très bien. Très le bien, train très électrique bien. De Monsieur ton beau-père. Monsieur c'est très bon. Attends, le train électrique du beau-père de ton fils. J'essaie de trouver. Non, il n'y a pas de train électrique, il a 29 ans. Donc j'essaie de trouver les beaux-parents de votre fils. C'est-à-dire, ce sont les parents de la fille, de la femme de votre fils. Bravo. Voilà, c'est cela. Et vous allez passer Noël avec les parents de la fille de votre fils. Oui, mais voilà, et mes enfants une vraie également. Famille. Voilà. Vous n'aviez pas tout simplement une belle-mère pour vous faire chier ? Non, il n'y a plus de belle-mère. Comme tout le monde. Ne vous moquez pas des rendez-vous c'était familiaux. Mais non, c'est pas grave, il est sympathique. Et je suis sûr que vous allez aimer raconter une bonne histoire à table, comme on le fait souvent au réveillon. Est-ce que vous voulez que Jean-Marie Bigard vous en souffle une avant la question ? Ouais, alors le réveillon, il faut que ce soit un peu plus cool, Jean-Marie, si tu permets. Oui. Tu permets ? Alors là, c'est un couple, ils dînent. Le mari est médecin, tout simplement, ils ont fini de dîner, les 22h, le téléphone sonne, son mari décroche, et il fronce un peu les sourcils comme ça, et au bout du fil, il y a 3 potes médecins à lui, qui lui disent, on fait un poker, il nous manque un 4e. Il prend un air encore plus grave et il dit, bon, je suis là dans 20 minutes. Et sa femme a dit, c'est grave. Oh ben, elle dit, sûrement, il y a déjà 3 médecins sur place. Ah oui, elle est bien. Vous en aviez une aussi, monsieur de Chavannes ? Oui, mais elle est très cool, mais c'est un type très, très, très costaud, mais genre une brute. Une brute. Il rentre dans un bar, et là, il y a un petit serveur tout mec qui est derrière le bar. Il arrive vers le serveur, il le regarde, mais il est impressionnant. Hein. C'est genre un mec ultra balèze, tu vois. Et alors, il regarde le mec, il fait. Tu me donnes. Qu'est-ce que tu vas me donner ? Tu vas me donner un chocolat, toi. Oui, bien sûr. Chaud. Oui, bien sûr. Il fait chocolat chaud, il lui donne. Le gars, il boit son chocolat chaud. Il se casse. Et le lendemain, il revient, il dit : Tu m'en donnes un chocolat, s'il te plaît. Sinon. Oui, non, bien sûr. Alors, il lui fait son petit chocolat, tout ça, puis il se casse. Toute la semaine, le lendemain, il revient, il fait : Donne-moi un chocolat ! Donne-moi un chocolat, sinon. Alors, il dit, oui. Puis le vendredi, l'autre, il n'en peut plus. Il dit, je vais me faire. Mon patron, il va me prendre tous les coups du chocolat, je peux pas. Ouais. Et le vendredi, il y a le gars qui arrive, il fait, ouais, donne-moi un chocolat. Un chocolat, sinon. Mais sinon quoi ? Sinon, un jus de tomate. Ah ben, elle est mignonne. Jean-François, vous allez peut-être partir, grâce à RTL, à l'hôtel des Trois-Vallées à Val-Thorens. Bien ça. C'est le Mountain Boutique Hotel qui vous attend, un véritable cocon de douceur. Au milieu, évidemment, d'anciennes fermes d'alpages, cet hôtel a été... Putain, les noms ? Ah oui. cet hôtel a été évidemment aménagé avec un magnifique spa et puis un restaurant, le restaurant Olympiski, avec une vue exceptionnelle sur les cimes et aussi sur les Topalov, deux familles de la région bien connues. Cet hôtel de charme, vous pouvez le découvrir sur hotel3vallées.com. Prêt, Jean-François ? Prêt. La question porte sur 2019, puisque l'année prochaine, à Grenoble, au Havre, à Lyon, à Montpellier, à Nice, peut pas être partout, à Reims, à Paris, à Rennes et à Valenciennes, auront lieu, je vais même vous aider, la finale aura lieu à Lyon. Auront lieu quoi dans toutes ces villes en 2019 ? La Coupe du Monde féminine de football. C'est gagné ! Bravo, bravo. Alors là, bravo. Bravo. Voilà. Ah ben, j'aimerais être le beau-père de son fils parce qu'il va pas se faire chier. Mais non, monsieur Bénichou, on va pas se faire chier, on va bien rigoler. Le mondial féminin. T'es gentil, hein ? Oui. Moi, je t'appelle pas par ton nom, hein. Alors, tu m'appelles patron, puis c'est tout. Hein. Vous pourriez, il s'appelle Dubois, monsieur Dubois. Vous pourriez l'appeler monsieur Dubois. Comment ça va, Dubois ? C'est marrant, c'est le seul Dubois que j'ai connu à Paris. Ouais, c'est un nom assez rare, non ? Ah, il y a partout. Bénichou, il y en a partout. Mais Dubois, c'est marrant. Monsieur Dubois va pouvoir aller à la montagne grâce à RTL. Merci beaucoup, les grosses têtes. Merci, vous êtes vraiment très sympathiques. Et vous le saviez, alors, pour le mondial féminin de football, ou vous avez été rapide sur l'ordinateur ? Non, je le savais. Quand j'ai cité les villes, ça m'est revenu. Eh bien oui, le tirage au sort a eu lieu le 8 décembre dernier. Et sachez que déjà 173 000, à mon avis, là, au moment où je parle, même peut-être 200 000 billets, ont déjà été vendus pour les demi-finales et la finale programmée à Lyon, car le foot féminin marche de mieux en mieux. Bravo Jean-François. Et ce n'est pas tout, Jean-François. Faites le plein de gourmandises avec Jeff de Bruges. Cette semaine, RTL vous offre un bel assortiment des meilleures recettes chocolatées de Jeff de Bruges, un ballot de teint de chocolat, des truffes onctueuses de délicates Juliettes et un coffret de palais grand cru. Bravo, Jean-François. RTL, les grosses têtes de Laurent Ruquier. Cultura. Qui sait qui a pas encore écrit sa lettre au Père Noël ? Qui sait ? C'est toi ! Et le pauvre Père Noël, comment il va faire pour t'apporter des jolis cadeaux ? Si vos proches ne savent plus quoi inventer pour vous soutirer des idées de cadeaux, ne dites pas. Bah, il a qu'à demander des idées au lapin de Pâques, le Père Noël. Mais dites plutôt. Il ferait bien d'aller faire un tour chez Cultura, le Père Noël. Pas de panique pour vos achats de Noël. À partir du 14 novembre, toutes les meilleures idées cadeaux sont dans les magasins Cultura et sur cultura.com. De quoi passer un joyeux Noël ? Cultura, l'esprit jubile. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Gaël de Gap, un giga en vie pour Noël d'un forfait mobile gavé de giga et d'un smartphone tout neuf. Il en serait gaga de ça, Gaël. Le problème, c'est qu'il a peur de griller toutes ses économies. Eh bien, Gaël, cessez d'angoisser du porte-monnaie car l'offre qui va suivre est giga faite pour vous. En ce moment, chez Bouygues Télécom, vivez un Noël inoubliable et profitez de 15 euros de réduction par mois pendant 12 mois sur les forfaits sensations 50 giga et plus. Appelez gratuitement le 3106. Engagement 24 mois, offre soumise à condition avec conservation du numéro. Les hits RTL avec Angèle, Jérémy Frérot, Marc Lavoine, Maroon 5, Ed Sheeran, Georges Ezra, Maître Gims et Vianney, Zazie. Les hits RTL 2018, la compile événement. Air France. France. La France. Is in the air. La France est dans l'air. Enroulé dans une grande limousine, derrière des surfeurs qui jouaient du jazz, dans un parc de séquoias avec des gratte-ciels, des casinos et une superbe blonde dont la jupe volait au-dessus d'une bouche de métro et puis là, quelqu'un a dit « coupé ». Ah oui ? Ah bah ça, c'est le rêve américain. Air France. France. La France. Is in the air. Découvrez San Francisco au départ de Paris à partir de 309 euros jusqu'au 24 décembre 2018. Tarifs TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus pour des départs du 14 janvier au 14 mars 2019. Autour de Laurent Ruquier cet après-midi pour vos grosses têtes, Jean-Marie Bigard, Jean-Jacques Perroni, Pierre Bénichou, Christophe de Chavannes, Chantal Latsou, Christine Ockrent. Une question pour Marie-Odile Bianchini qui habite Houille. Et puisqu'on parlait football... Je connais très bien le maire. Le maire, oui. Oui, le maire d'Houille, oui, bien sûr. Oui. Bravo. La question concerne justement Kylian Mbappé, qui fait la une du Parisien ce matin, le joueur du PSG des Bleus, parce qu'il a 20 ans aujourd'hui, vous vous rendez compte, hein, comme on le chantait il y a quelques jours dans cette émission, on n'a pas tous les jours 20 ans, vous voyez. Ça nous arrive qu'une fois seulement, et ça lui arrive aujourd'hui à Kylian Mbappé. Chose avec 21. Ah oui. Ah ouais. Tous les ans, ça arrive qu'une fois dans ta vie. On n'a pas tous les jours 20 ans. Ça vous arrive une fois seulement. Ce jour-là passera trop vite. Alors vraiment, faut qu'on en profite. Ah bah vous deviez pas être là quand j'ai fait la question il y a deux jours, alors. Mais voici, cher Pierre, la question concernant Kylian Mbappé, puisque pour son anniversaire, le Parisien, évidemment, a décidé de l'interviewer, Sandrine Lefebvre et Arnaud de Tout pose des tas de questions à Kylian Mbappé. J'espère que vous avez lu l'interview. À un moment donné, il y a une question, c'est qu'est-ce qui vous manque le plus et que vous ne pouvez plus faire à cause de votre notoriété? Alors il répond, c'est pas tout à fait à cause de ma notoriété, mais ce qui me manque le plus, c'est... D'aller à la plage? Non. Au supermarché? Non plus. Mais ça a quelque chose à voir, bien évidemment, même s'il le nie, avec sa notoriété? Pas tout à fait. Avec son enfance? Alors, un peu, forcément, indirectement, avec sa notoriété. Avec son enfance, non. Draguer? Draguer, non. Bon, draguer, non. Bon, ça doit être plus facile. Ça doit être tout le monde lui dit, dépanne-moi d'un million d'euros. À chaque carrefour. Ouais. Non. Ah ben moi, j'ai eu ça, hein, quand j'ai commencé à être connu, les gens m'envoyaient des lettres, ils me disaient, je sais que c'est rien pour toi, mais si tu pouvais me dépanner de 200 000, franchement... Ça m'arrangerait, je te jure. Et vous répondiez quoi? Non, je répondais pas. Tu vois. Moi, je réponds toujours. Ouais. Passe toujours à la maison. On sait jamais s'il est bien foutu. Tu peux toujours en faire profiter la bonne. C'est pas possible. Mbappé, là, qu'est-ce qu'il aimerait pouvoir continuer à faire qu'il ne peut plus faire? Des concours de belote? Non. Aller au cinéma? Non. Est-ce qu'il s'agit de choses physiques qui lui sont interdites par ses assurances? Bravo, monsieur de Chavannes. Donc un sport. Genre du trampoline, du trampoline. Du ski. Skier, il aimerait pouvoir skier. Bonne réponse de Chantal Latsloué, aidée par Christophe de Chavannes. Bon, merci. Eh oui, je ne peux plus dévaler les pistes à cause de la pratique de mon sport. Il est comme moi. Pauvre chérie, c'est tous les Africains qui en donnent des milliards. Il faut leur faire un contrat et vous pourrez skier quand même. Il n'est pas africain. Non, il se gratte. C'est pas moi, je suis antiraciste, à mort. Ah non, oui. Mais il est africain et noir. Mais non, enfin. Non, non, il est français. Il est français de Bondy. Bondy? Ah tiens, tu l'as pas faite, c'est la tienne, t'habites Bondy. Il est français de Bondy, monsieur Bénichou. Ça veut rien dire, il est né en Afrique, il est d'origine. Mais non, il n'est pas né en Afrique, il est né à Bondy et peut-être même que mais c'est moi, pas... Mais moi, je suis né en Afrique, merde. Oui, mais tu joues pas au football. Mais parce que j'ai pas été poussé par mes parents. Pour quelqu'un qui prendrait l'émission en route et qui vous connaîtrait pas, on pourrait se dire, tiens, il y a un gars qui est raciste. Mais tout le monde me connaît, moi, c'est pas comme certains. Bon, je peux terminer alors ce qu'il dit, Kylian Mbappé, le petit gars de Bondy. Bah, qu'est-ce qu'il dit? Je peux plus dévaler les pistes à cause. Ah, bah oui, alors c'est tous les Africains. Alors, à cause des. Alors, écoutez. À cause des contrats d'assurance. Mais moi aussi, on peut pas quand on est comédien au théâtre. Il dit, exactement. On est allé en famille dans plusieurs stations comme Tignes, La Plagne ou encore Avoriaz quand j'étais enfant. Eh bien, sachez-le, voilà ce qu'il dit à la fin de ma carrière. Je vais louer une piste pour moi tout seul. Il peut même louer la station. Hein. Ou pour mes potes et ma famille. Ça lui manque le ski à Kylian. Il peut aller se promener dans les restaurants d'altitude avec moi, avec des moon boots, et puis c'est tout. Ah ben oui, ça moi, je rejoins les skieurs là-haut. Ah voilà. Et voilà, on pourra y aller ensemble. Si quel kiff de monter un télésiège sans ski, juste en moon boots. Avec et Chantal. Avoir vraiment l'air d'un Chantal. Vieux, tu vois. Je ne sais pas si vous avez entendu le discret Je comprends de Christine O'Crane. Et là, on reconnaît la grande skieuse, parce que je sais que vous skiez très très bien, Christine. Enfin, je skie. Vous êtes comme Jean-Jacques Perroni, vous avez une bonne descente. Et vous comprenez Kylian Mbappé. Ça vous manquerait de skier. Ah, vous... mais énormément. Et ben voilà. Voyez, monsieur Bénichou. Enfin, je n'ai pas les talents. La non, belle, voyez, ben, moi, je ne comprends pas bien ces trucs, je suis africain. Et en Afrique, on aime bien nager, on aime bien jouer au volleyball sur la plage. On aime bien faire de la pêche sous-marine. Quant au ski, on laisse ça aux connards. Qui veulent se casser les pattes et que ça nous coûte un match. C'est vrai, oui. C'est pas que vous soyez, effectivement, vous, Africain, et Kylian Mbappé, Français, qui vous dérange. C'est le fait, peut-être, qu'il ait 4 fois moins d'âge que vous. Ou 2000 fois plus d'argent. Et les deux à la fois. Everybody's in a hurry, in a flurry, shopping till they're dropping in the snow. Kids are crying, dogs are barking, catching up with folks we barely know. Sure, it's madness,

Mais comment t'as trouvé ? C'était facile. En ce moment, le kilo de litchi est à 2,79€. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à vendredi dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine Madagascar. Et puis je vous rappelle pour les retardataires tout à l'heure, notre grand jeu de Noël, 17h40 à gagner aujourd'hui, soit un MacBook Air ou bien un voyage magnifique de rêve, donc à la rencontre du Vietnam tout à l'heure. Pour participer, 3210 ou vous envoyez RTL par SMS au 74-900 pour jouer ensemble tout à l'heure. On a le temps d'une bonne histoire, encore Jean-Marie Bigard. Oui, bien sûr, oui, c'est un mec qui se pointe dans un garage pour acheter une voiture. Et le vendeur, qui est très, très actif, il l'emmène vers ces voitures un peu de luxe, tu vois. Et il dit, regardez, celle-ci, je vous la conseille, elle a un autoradio à commande vocale. Il dit, oui, ça marche comment? Ben, il dit, c'est tout simple, vous dites le nom du chanteur, et hop, il vous passe le truc. Il dit, je peux essayer? Ben, il dit, allez-y. Le mec, il fait, Hallyday! Et l'autoradio, il lui répond, David ou Johnny? Il dit, la vache, c'est vachement précis, dis donc. Il dit, Johnny. Et hop, c'est parti, allumez le feu, toi. Il dit, je peux en essayer un autre. Il dit, allez-y. Il dit, Iglesias. Immédiatement, l'autoradio, il dit, Enrique ou Julio? Il dit, Julio. Il dit, c'est formidable. Vous, les femmes, toi, vous, le charme et tout. Et il part avec la bagnole. À peine il sort du garage, il y a un mec qui lui refuse la priorité. Il se met à l'insulter. Il dit, enculé, connard, abruti. L'autoradio, il dit, Macron, Castaner. Elle est très drôle. Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Denis Chaucha, qui est concepteur, rédacteur publicitaire et l'auteur d'un livre que je vous conseille qui s'appelle « Les bons mots de la pub ». C'est aux éditions Ebec. Ces slogans qui sont devenus cultes. Des slogans que je peux vous donner au hasard en feuilletant le livre, vous les connaissez tous, hein. Du Roquefort d'abord, ouais. Du Roquefort d'accord, ou encore le petit, un grand camembert. Des slogans plus récents, McDonald's, venez comme vous êtes. Des slogans évidemment plus peut-être générationnels. Banania peut-être. Ah, Banania, Perrier c'est fou. Non, Christine. Oh, on recommence pas. Perrier c'est fou. D'ailleurs, moi, je dis toujours, il y a mauvais. Dior, j'adore. Voilà, ça, vous connaissez ce slogan. Ou encore, la perfection au masculin. On est fou d'Afflelou. L'Oréal, parce que, je le vois bien, à chaque fois, il y a une ou deux pages sur tous ces slogans qu'on connaît par cœur. Ah, ouais. Ou, par exemple, la BNP. Pour parler franchement, votre argent m'intéresse. Ah, ouais. Ça, c'est un bon slogan, ça, quand même. Hein, votre argent m'intéresse. On l'a oublié. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut, vous voyez. Avec Carrefour, je positive. Tous les gagnants ont joué. Ah oui, il ça, y est. C'est magnifique. Eh ben, il y est aussi ce slogan. Mais alors, j'ai une petite question à vous poser. Marc Hillman, qui est un compositeur, qui a écrit pour Dalida, Daniel Guichard, et même la fameuse chanson pour La Rousseau, Tu m'oublieras, une chanson qui était prémonitoire. Mais en tout oui. cas, mais en tout cas, Marc Hillman est un compositeur qui continue à toucher beaucoup de droits grâce à 9 petites notes de musique qui accompagne un slogan publicitaire. Lequel ? Dim ? Non. Ah, Dim, c'était bien. Oui, c'était Gotener. C'était Gotener, Dim. Je crois que c'était Gotener. Non, c'était bien avant Gotener. Ça, croyez-moi. C'est alimentaire ? Alimentaire, non. Royal Canin, non. C'est pas une radio. Ah oui, je me souviens de la musique de Royal Canin. Parce que j'avais les 7 notes. C'était Ennio Morricone, ça. Et c'est la musique, c'est Ennio Morricone. La musique du professionnel. Ouais, c'est Ennio Morricone. Et de Royal Canin. Non, là, on est. Carglass serait pas. Et Chabat. Ah, on n'est pas loin. Ouais. C'est pas Carglass, mais on n'est pas loin. Midas. Non, c'est automobile et c'est pas Midas. C'est pas Carglass, c'est pas Midas. C'est l'autre. Ah, feu vert. Non, pas feu vert. Simca, un appétit d'oiseau. Ouf. Ah, je comprends mieux maintenant ce que vous disiez tout à l'heure. 1938. C'est génial, non, Simca, vache d'oiseau. Feu vert? Non. Non, pas feu vert. Vous étiez tout près, là, avec Carglass. Mieux encore avec Midas. Ah. Avec, c'était Prost qui faisait ça. Prost qui faisait cette pub dans la baignoire. C'est la pub des points S, non? Non, pas points S. Midas, vous êtes tout près. Oui, les points d'échappement. Quand vous n'allez pas chez Midas. Bah, vous allez chez ta mère. Oh, dites donc. On dit chez votre mère. Non, c'est pas parce que vous êtes fait changer le pot il n'y a pas longtemps, Pierre. Hein. Bon, non, mais enfin, écoutez le concurrent de Midas. Carglass. Est-ce que c'est Prost qui se mettait dans une baignoire et qui prenait un énorme cachet pour être dans une baignoire pour cette jupe-là? Je crois pas qu'il y avait Prost là-dedans. C'est pas Auto Plus, non? Mais non, pas Auto Plus. C'est un journal. Le premier, enfin, vraiment, vous n'avez pas d'automobile. Speedy. Mais je l'ai dit. Va donc chez Speedy. Va donc chez Speedy. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Speedy. Ah non, vous n'êtes pas dit Speedy, croyez-moi. Mais non, vous n'êtes pas dit Speedy. Je vous jure, j'ai dit Speedy. Non, il l'a pas dit. Dans une autre émission, vous avez dit Speedy. Mais j'étais sponsorisé par Speedy. J'ai dit Speedy. Il a pas dit Speedy. Speedy Gonzalez. Moi, j'étais pilote Speedy, même que. Va donc chez Speedy. Neuf petites. Bon. Note de musique qui continue à rapporter, monsieur Chauchat. Est-ce que le slogan est toujours le même aujourd'hui chez Speedy? Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Bonjour, oui, c'est toujours, va donc chez Speedy, effectivement. Alors, vous pouvez me confirmer que Dim, ça date de bien avant Richard Gottener, pas la papa, papa. Ah oui, bien avant. Et bien voyez, avant. De Chavannes, paf, le nez dans le caca. Quel nez dans le caca. C'est la musique dont rêvent tous les annonceurs. Quel animateur. Ah ouais, alors ça, mais alors, bravo. Et alors, on a parlé évidemment de Carglass, ça aussi c'est génial comme slogan. Vous n'avez pas Carglass, j'ai feuilleté le livre, je n'ai pas l'impression que vous l'ayez mis Carglass, si. Ah, il y a une petite sélection de fêtes quand même. Ah ben oui, quand même. Carglass, il y en aurait beaucoup plus. Eh ben oui. Il y en aurait beaucoup plus. Carglass, c'est une trouvaille. Hein. Et alors, on voit bien qu'au fond, ça n'est pas toujours facile, parce que vous ne l'indiquez pas à chaque fois, de trouver qui est l'auteur du slogan. J'imagine que si vous aviez trouvé, vous l'auriez mis chaque fois. C'est collectif. Ah ben non, non, justement, on a décidé de ne pas systématiquement les donner, parce que d'abord, il y en a certains, on ne sait plus qui les a fait. Ils ont le fruit d'un brainstorming. Ouais, c'est un collectif. Ouais. Voilà, ça peut être puis un client a le droit de trouver une idée et vous de la trouver bonne en plus. Il y en a certains que je cite quand même, certains de vos collègues. Je cite Ardisson par exemple. Ah, la paire, il n'y en a pas deux. Par exemple. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Ça, on doit ça à qui alors? Outils et matériaux. Oui. Ouais. Je ne sais pas. Et c'est devenu ces Castoches. Ah oui. C'est bien, c'est beau, c'est boche. Ça, c'est Pierre génial. Qui a inventé ce slogan pendant. En 1942. Il le tenait d'un ancien nazi. Non? C'était pas un ancien nazi. C'était un type qui était allé à Verdun, qui s'appelait Pétain, qui était très bien. C'est bon, c'est moche. Ils vont faire À propos des bagnoles, tu sais pourquoi les Lada, elles ont une vitre arrière dégivrante? Non. C'est pour pas avoir froid aux mains quand on la pousse. Décathlon à fond la forme. Ça aussi, c'est un slogan. Pourquoi vous avez eu envie de réunir tous ces slogans, des plus anciens aux plus récents? Parce que d'abord, c'est un métier que je fais depuis quelques années, comme vous l'avez précisé tout à l'heure. Ça fait quand même une quarantaine d'années. Et que c'est un métier qui est assez amusant. C'est Séguéla qui a commencé à me faire bosser dans ce métier. M'étonnes. Et c'est vrai que de chercher des slogans, c'est un jeu qui est amusant. C'est pas toujours facile. C'est faussement facile, comme j'ai dit dans le livre. Oui. Parce qu'il y a des évidences pas toujours faciles à trouver. Mais par exemple, vous pouvez en citer certains, il y en a que j'adore dans mon bouquin, qui est pas connu, c'est celle du Figaro. Dans le Figaro, il y a autant de pages de gauche que de pages de droite. Ah oui, j'ai vu ça, je l'avais noté. Dans le Figaro, toujours autant de pages de gauche que de pages de droite. Et je sais plus qui a dit d'ailleurs, si la gauche en avait, on l'appellerait la droite. Alors, c'est un magnifique slogan, mais il y en a un qui m'a vraiment surpris. Je ne le connaissais pas, ce slogan. Je connaissais évidemment le plus récent, Buvez éliminé pour Vittel. Mais vous nous rappelez qu'en 1973, le premier slogan, c'était Buvez et pissez. C'est absolument incroyable. Ça existait vraiment, ce slogan, buvez, pissez? Oui, ça existait dans les années 70. C'était les gens qui avaient le nez dans leur caca. Non, mais tout était permis à l'époque. C'est vrai que c'était moins réglementé. Est-ce que je peux vous poser une question? Quelle est le plus vieux slogan? Le plus très connu. Que moi je connaisse, c'est sans doute du beau, du bon, du bonnet. Ah oui, oui. Ah, oui. Non, c'est prenez et buvez-en tous. Ceci est raison, Jean-Marie Bigard. On conseille votre livre, Les bons mots de la pub, chez Obeck. Laurent Ruquier et ses grosses têtes dans un instant sur RTL. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le cadeau de Nicolas qui change. Avec 30% de remise sur le bijou diamant de son choix dans les espaces bijouterie Auchan, la vie en or. Moins 30% Nicolas. Repense à la tête qu'elle a fait l'an dernier quand tu lui as offert un aspirateur. C'est le moment de te rattraper, non ? Jusqu'à ce soir seulement, vos espaces bijouterie Auchan La Vie en Or proposent 30% de remise sur le bijou diamant de votre choix. Et vos cadeaux changent. Auchan. Hors promotion et catalogue en cours. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Gaël de Gap, un giga envie pour Noël d'un forfait mobile gavé de giga et d'un smartphone tout neuf. Il en serait gaga de ça, Gaël. Le problème, c'est qu'il a peur de griller toutes ses économies. Eh bien, Gaël, cessez d'angoisser du porte-monnaie car l'offre qui va suivre est giga faite pour vous. En ce moment, chez Bouygues Télécom, vivez un Noël inoubliable et profitez de 15 euros de réduction par mois pendant 12 mois sur les forfaits sensations 50 gigas et plus. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Engagement 24 mois, offre soumise à condition avec conservation du numéro. L'empereur de Paris. C'est qui lui ? L'évadé perpétuel. Vidocq, monsieur. L'extraordinaire destin du plus célèbre bannière de France. Vous avez besoin de résultats ? Je peux vous les fournir. Par le réalisateur de Mérine. Un voleur reste un voleur. Et des résultats restent des résultats. L'empereur de Paris, avec Vincent Cassel. Il n'y aura jamais qu'un seul empereur. Actuellement au cinéma. Avec RTL. Faites les fêtes chez Géant et faites pétiller les bons plans. Jusqu'au lundi 24 décembre, pendant les heures géantes, de 11h à 13h et à partir de 17h, profitez de remises jusqu'à moins 50% sur les champagnes. Oui, jusqu'à moins 50%. Joyeuses économies à tous chez Géant. Remise sous forme de bons d'achat, voire conditions et liste des magasins participants sur géantcasino.fr. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et il est temps de retrouver notre belle valise RTL. Pour vous inscrire, n'oubliez pas RTL.fr ou encore par SMS en tapant valise au 74 975 centimes par SMS. Le tirage au sort, eh bien c'est maintenant. RTL, la valise. La valise RTL, 1058 euros, un appareil photo Ricoteta, un tapis de marche offert par M6 Boutique, un bon cadeau, l'atelier du sourcil, le livre Mamie, parle-nous de toi, et celui de Papy, parle-nous de toi aussi. Ah et oui. Puis, le grand livre de la pop ou du pop, signé Jean-Bernard et B. Chantal, c'est à vous, car oui. Nous ne reculerons devant aucun sacrifice. Absolument. C'est à vous que nous allons confier la valise RTL, une fois que Madame Ockrent aura de ses mains chanceuses désigné l'heureuse élue. En mime, 3. Le 3. Bah oui, avec mes mains. Le 3. Sabrina Monté. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Non, êtes... c'est l'heure. C'est le moment. J'ai un petit congrès du Front National, j'arrive. Pierre s'en va aux toilettes, mesdames et messieurs. On va être tranquille un moment. Ah oui, 20 minutes pour y aller, 20 minutes pour revenir. Alors, Sabrina Monté, le numéro 3, habite Renaison. Vous avez bien noté, Chantal? Sabrina Monté. Vous me la faites bien, la valise. Oh, hein. Bah oui, pour Noël. Ah, voilà. Vous savez comment on fait, ça sonne, ça décroche. Sonne. Vous parlez. Oui, c'est un téléphone, quoi. Voilà. Si c'est pas de quel coin elle est ? Renaison dans la Loire. Ça sonne. Voilà. Sabrina Monté. Sabrina Monté, vous n'êtes pas là. Il n'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le bip. Oh, après le bip, le message, vous voyez, Chantal. Message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Bonjour Sabrina Monté, c'est Chantal là-dessous, l'appareil. Comment allez-vous? Vous n'êtes pas là? Quel dommage! Au revoir! Christine, un autre numéro après ce magnifique message laissé sur répondeur. Le 6. Aurélien Monneret habite dans le Morbihan. Ah, on part chez vous en Bretagne. Ah, bah, tant mieux. Même si certains disent que le Morbihan, c'est pas tout à fait la Bretagne. Si, si. Bah, bien sûr que ah, si. Ah non, mais les Bretons du Nord. Et alors, on a le droit d'être Breton du Sud. Michel Orange, bonjour. Ah, bah, c'est pas ni l'un ni l'autre. Oh, bah, un autre numéro. Les mecs, ils s'inscrivent. Le 12. Pardon. Le 12. Le 12. Frédéric Février habite dans le Finistère. Ah, ça, c'est chez vous, monsieur. Non, c'est plus haut. Ah bon, Frédéric Février. Ah oui, monsieur Février. Oh bah c'est trop tôt pour lui, on l'appellera le mois prochain. Il habite Plomeur. Plomeur. Ah, ça, c'est bien breton, Plomeur. Ah bah oui. Plomeur. Est-ce que Bodou. C'est Plomeur Bedou ou Bodou, Bodou. Ah bah il y a Plomeur Bedou et Plomeur. Il y a plusieurs deux. Plomeurs. Ça sonne en tout cas chez monsieur Février. C'est peut-être un peu tôt pour lui. Février, c'est pas le chien de la famille Hart. Oui, allô ? Ah, madame Février. Oui. Comment ça va ? Bien. Bon, alors qui est à l'appareil, c'est moi. Ben, je sais pas. Pourquoi on vous appelle, à votre avis? On vous appelle d'une radio qui est rouge. Oh. Ah, vous êtes un homme ou une femme, les deux? C'est Frédéric Que, je pense que c'est Frédéric Que au féminin, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, se met à chanter, le gars. Elle nous a reconnus, c'est bon. Bonjour Madame Février. Bonjour Madame Février. Alors, pourquoi on vous appelle? Eh bien, pour la valise. Eh bien, alors, voilà. Allez-y. On va pas attendre janvier, hein. Exactement. Alors. Ah, mais j'ai pas noté tous les jours, donc voilà, je suis au boulot. Oh là là là là là là. Ah non, là, vous n'êtes pas au boulot, vous êtes au bout du rouleau. Hein, là, voilà. Exactement aussi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis crêpière et caviste. Oh, crêpière et caviste, qu'est-ce qu'on aime ça. Vous êtes en train de faire des crêpes, là? Exactement. Oh là là. Donc c'est en plein boulot. Eh bien c'est normal, à Plomer, on fait des crêpes. Ouais. Ah ouais, ce sont des crêpes au sarrasin. Alors on fait des galettes de sarrasin, bien entendu. On fait des crêpes de foment. Et on fait également des galettes de blé noir à l'eau de mer. Ah, oh là là. C'est bon. Avec des algues. Voilà. À manger avec une paille. Tout à fait. Avec des algues, sérieusement? Non, avec de l'eau de mer. Donc, si vous voulez, l'eau de mer, elle est puisée à 3000 mètres de profondeur, elle est microfiltrée à froid. Oui, oui. Et puis, on l'incorpore, bien sûr, donc, dans notre pâte à crêpes. Et puis, et du coup, ça sent un peu la moule? N'importe quoi, pas du tout. Ah, je crois que je me renseigne. Mais à 3000 voilà, mètres, nous sommes les seuls à faire ça. Bah, j'entends bien. Et alors là, franchement, on apprend beaucoup de choses grâce à vous-même, Février. Bon, on n'a pas 28 jours devant nous non plus, alors je vais vous dire. Oui, bon, alors écoutez, ben oui, mais malheureusement, je suis désolée. Essayez quand même. Je sais qu'il y a 1058 euros. Oui, ah ben ça, c'est bien déjà. Voilà, mais après, j'ai juste l'appareil photo, alors Ricoh Theta à 360 degrés, pour prendre des photos à 360 degrés. Ah oui, c'est bien aussi, ça. Ça fait chaud, hein, là. Mais très chaud. Il vous manque tout le reste. Eh ben, il me manque tout le reste. Donc, vous n'aurez qu'une montre RTL. Je suis désolé pour vous, Christiane. Un petit peu de chocolat, peut-être aussi. Frédéric, pourquoi je dis Christiane? Vous voulez du chocolat? Oh, ben, écoutez, c'est les fêtes. Ah, on me dit que Jeff de Bruges va peut-être faire un effort pour vous. Ah, c'est très très gentil. Eh ben alors écoutez, on va vous envoyer des chocolats alors. Eh ben écoutez, merci beaucoup. Puis alors, je suis dégoûtée quand même. Hein. Ah ben oui. Pas autant que nous devant la crêpe à l'eau de mer, mais. Tu sais que les putes là-bas, elles font des pipes bretonnes. Ah oui. Oh non. Il n'y en a pas par chez nous. Si, c'est formidable. Il y a trois tarifs, il y a 100 euros, 200 euros et 500 euros. Qui dit, mais. Il dit, qu'est-ce qu'elle te fait pour 100 euros? Il dit, tu peux pas savoir. Elle t'enroule la bite dans une crêpe au sucre, chaude. Elle la tourne comme ça et elle mange la crêpe en même temps qu'elle te fait le truc. Alors, tu commences à être intéressé. Il dit, à 200 euros? Ah ben, il dit, alors là, à 200 euros, elle te rajoute du Nutella et de la confiture de framboise, chaude, hein? Pareil. Ah ouais, là, il dit, c'est la 500 ? Ouais, il dit, c'est la 500 euros, je l'ai pas faite. Quand je l'ai vu arriver avec la bouteille de Grand Marnier, le briquet, je me suis barré. Bon. On y a eu le droit déjà l'année dernière, mais elle est marrante. On pourrait épargner les détails, hein, évidemment. Bah surtout pour Frédéric, si elle est toujours là. Vous êtes toujours là, Frédéric? Toujours là, oui. C'est bien pour apporter ça pour le réveillon. Vous avez bien mérité vos chocolats et la montre RTL. Je vais ajouter, avant les infos de 17h dans la valise, un lit d'appoint gonflable. Ah oui. C'est la première fois qu'on met ça dans la valise. Hein. Un lit d'appoint gonflable offert par ravidematelas.com. Le matelas Intex, avec son gonfleur électrique intégré, est prêt en 4 minutes seulement. Vous vous rendez compte? Quelqu'un arrive à l'improviste. Paf! Vous sortez le matelas Ravidet. Il offre un accueil moelleux et un soutien ferme pour une nuit agréable. Et en plus, il y a quand même une hauteur de 46 cm pour vous coucher et vous lever aussi facilement que dans un lit traditionnel. Ça se gonfle avec quoi? Avec un gonfleur électrique intégré. Ah, intégré. Et c'est confortable, économique, peu encombrant. C'est pour pas les amis trop bourrés pour rentrer chez eux, ça. Ah oui? Ah oui, il est 3h du matin, ils ont dégringolé une bouteille de gouttes. Là, tu dis, je vais pas te laisser repartir comme ça. Et hop, il gonfle le matelas. Et tu te retrouves avec un mec bourré le lendemain matin dans le salon, quoi. C'est ça le problème. Bah pour l'instant, le lit d'appoint gonflable. Oui, mais débarrasser de ta femme quand même. Pour l'instant, en tout cas, le lit d'appoint gonflable offert par ravidematelas.com est dans la valise. Les grosses têtes de Laurent Ruquier reviennent dans un instant sur RTL. Tiens, encore une bonne nouvelle de Carrefour Market. J'ai une jolie cave à la maison, mais j'ai pas un seul champagne. En ce moment, chez Carrefour Market, il y a de belles promos. Pour un produit acheté, le second est gratuit sur plein de produits de grandes marques. Mais comment ça ? Par exemple, la deuxième bouteille de champagne de Castellane brut ou rosé, cuvée Commodore, est gratuite jusqu'au 31 décembre. Je peux vraiment toujours compter sur vous. Carrefour Market. Vos magasins Carrefour Market sont ouverts dimanche toute la journée. La bouteille de 75 centilitres pour votre santé. Attention à l'abus d'alcool. Liste des magasins ouverts sur carrefour.fr. RTL présente le 22e festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Du 15 au 20 janvier, ne manquez pas le premier grand rendez-vous cinéma de l'année, présidé par Alexandra Lamy. Venez découvrir les succès et talents de demain et les comédies qui feront l'événement en 2019. Le festival de l'Alpe d'Huez, c'est avec RTL. Retrouvez toutes les informations sur festival-alpeduez.com. Air France. France. La France. Is in the air. La France est dans l'air. Écoute le coq français. Bon, et maintenant, écoute le coq canadien. Wow, c'est immense le Canada. Ah. Air France. France. La France. Is in the air. Découvrez Montréal au départ de Paris à partir de 349 € jusqu'au 24 décembre 2018. Tarif TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus pour des départs du 14 janvier au 14 mars 2019. RTL. Première radio de France. Il est 17h. Les infos, Alexandre de Saint-Aignan. Versailles se barricade face à la crainte d'un acte 6 des Gilets jaunes. Mobilisation en forte baisse samedi dernier, mais certaines personnalités du mouvement appellent toujours à manifester, non plus à Paris, mais dans la ville symbole de la royauté. Conséquence, le domaine du château de Versailles sera fermé samedi prochain pour éviter tout débordement sur recommandation de la préfecture. Ce matin, le mouvement des Gilets jaunes a été à nouveau endeuillé. Un manifestant de 61 ans a été renversé par un camion près d'Agen sur un barrage routier. 9e mort depuis le 17 novembre. Autre conséquence du mouvement, les opérations de péage gratuits pourraient coûter cher aux transporteurs routiers. Les badges de télépéage des poids lourds n'ayant pas été détectés à l'entrée ou à la sortie des autoroutes, ils ont été surfacturés sur le principe du trajet le plus long. Une surfacturation impossible à chiffrer pour l'instant. Les transporteurs se disent prêts à tout pour résoudre ce problème et veulent simplement payer le juste prix, je cite. Les députés se penchent cet après-midi sur les mesures d'urgence économique et sociale promises par Emmanuel Macron face à la crise des Gilets jaunes. Les policiers, eux, ont obtenu la nuit dernière une augmentation de 120 à 150 euros par mois, selon les grades, pour un surcoût d'environ 70 millions d'euros par an, selon le ministre de l'Intérieur. Bonsoir Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir Alexandre. Ce sera l'un des sujets de RTL Soir. Absolument, on reviendra sur cette augmentation historique. Ça faisait 17 ans que les policiers n'avaient pas été augmentés. 18h20, avec nous, leur patron, le directeur général de la police nationale, Éric Morvan, invité d'RTL Soir. Et puis également, autre invité dans le journal, dès 18h, nous serons avec Paul Gauze, vous savez, c'est le président de la Ligue nationale de rugby. Il sortira d'une réunion avec les dirigeants mondiaux du rugby après la mort de ce jeune joueur, Nicolas Chauvin. Il nous dira si les règles de son sport vont changer. Une autre réunion est prévue demain avec la ministre des Sports, Roxana Miracino. A tout à l'heure, Marc-Olivier, on vous retrouve dans une heure à 18h pour le début de RTL Soir. Emmanuel Macron tente de poursuivre son action en évitant les gilets jaunes. Le chef de l'État est allé à la rencontre d'enfants maltraités à Soissons, dans l'Aisne, aujourd'hui. Une visite qui n'était pas prévue à son agenda. Les Européens inquiets, mais la Russie applaudit la décision de Donald Trump de retirer les 2000 troupes américaines présentes en Syrie. Le président américain l'a décidé, estimant avoir vaincu Daesh. Le groupe terroriste a reculé, mais la menace n'est pas terminée, selon Berlin. Daesh n'est pas rayé de la carte, ni ses racines, estime la ministre française des Armées. Donald a raison, je suis d'accord avec lui, se félicite en revanche Vladimir Poutine. Le locataire de la Maison Blanche estime qu'il est temps que d'autres se battent au Moyen-Orient. La Russie, l'Iran, la Syrie et beaucoup d'autres, je cite. La météo pour demain, un ciel encore bien gris et pluvieux sur les trois quarts du pays avec du vent qui va souffler en rafale à 70-80 km/h dans les terres, 90 sur les côtes atlantiques et 100 localement sur les crêtes des Vosges. Quelques éclaircies attendues de la Manche à la frontière belge et un ciel toujours calme et lumineux sur le pourtour méditerranéen. Les températures pour demain après-midi, il fera 10 degrés à Strasbourg, 11 à Toulouse, 13 degrés à Saint-Brieuc, 14 à Paris et à Marseille, 15 à Bastia et 16 à Biarritz. Il est 17h03 sur RTL. Vous retrouvez Laurent Ruquier et ses grosses têtes. RTL, on a tellement de choses à se dire. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Chantal Latsou, Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Jean-Jacques Perroni, Christophe de Chavannes et Jean-Marie Bigard. Ah, une question intéressante. Si vous avez lu Paris Match, vous saurez sûrement y répondre, puisque vous savez, chaque semaine ou chaque mois, Paris Match fait un sondage. Là, il est sur l'année, les événements qui ont le plus marqué les Français en 2018. En tête de ce sondage, à 38%, et c'est normal parce qu'en plus, ça vient évidemment de se passer, c'est même encore en cours, c'est le mouvement des Gilets jaunes, qui est l'événement le plus marquant pour les Français en 2018. Derrière, c'est à 22%, les attaques terroristes qui ont eu lieu dans l'Aude en mars et à Strasbourg plus récemment. Et puis, en troisième position, 14% des Français ont répondu que c'était évidemment la victoire de l'équipe de France de football de la Coupe du Monde 2018. Voilà pour le trio de tête. Alors c'est vrai qu'il y a des événements là-dedans qui sont très proches. La Coupe du Monde, ça date évidemment du mois de juillet. Mais ce qui est étonnant, c'est que l'événement numéro 4, qui a failli donc être sur le podium des événements les plus marquants pour les Français, eh bien c'est un événement qui a eu lieu cet été aussi. De quel événement s'agit-il ? Un mariage princier. Non, 8% des Français ont répondu que c'était l'événement le plus marquant pour 2018. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose de plutôt gai ou de triste ? Non, c'est plutôt effectivement quelque chose de dramatique. Ah. Et c'est en France ? Ça voilà, c'est intéressant aussi parce que ça ne s'est pas passé en France. Est-ce qu'il s'agit d'un crash d'avion ? Un crash d'avion ? Non. Un incendie gigantesque aux États-Unis ? Un incendie non plus. Un bateau ? Un bateau, non. Est-ce qu'il s'agit d'une perte considérable d'un nombre de personnes d'un seul coup. Ah, perte considérable, oui, on peut quand même considérer, il y a eu quand même 43 morts et 16 blessés. Alors, est-ce qu'il s'agit de cet autobus avec ces 43 morts qui se rendaient à un mariage et qui sont tous pas mariés? Non. Est-ce que c'est pas un immeuble qui s'est écroulé? Un immeuble qui s'est écroulé, qu'est-ce que vous appelez un immeuble? En Inde, non? Non. Ça, c'est très vieux, cette histoire-là, Dani. C'est dans la ville du Thaïlande, Sud. En Thaïlande, le groupe d'enfants enfermé dans une grotte. Non plus. Non, c'est dans une ville du Sud, dont le nom va me revenir, où deux immeubles se sont effondrés après une explosion de gaz. Et quand cette explosion... Ah, on voit que vous étiez en vacances au mois d'août, car ça s'est passé le 14 août, et voilà pourquoi ça ne vous a pas marqué. Ah. Mais les Français... Ah, le viaduc Le viaduc de Gênes. Le pont de Gênes, ah. Bonne réponse de Christophe de Chavannes. Et Christine O'Krent, Christophe. Non, Christine, avec plaisir, bienvenue. Mais vous avez dit le viaduc. Ah, c'est un viaduc et j'allais dire Gênes. Et qui va le reconstruire? Alors je ne sais pas, mais en tout cas, j'espère. Un architecte qui s'appelle Renzo Piano. Oui, exactement. Natif de Gênes. Tout à fait. Exact. Et qui est l'un des grands architectes contemporains qui nous a valu le musée. Pompidou. Voilà. Le pont Morandi qui s'est écroulé le 14 août effectivement à Gênes. Mais vous savez quoi, c'est très étonnant parce que j'étais en Italie cet été et je suis revenu en passant des viaducs avec mon automobile et j'ai parlé. C'est pour ça que c'est tombé. Et j'ai parlé avec des policiers italiens qui ont mis des radars un peu partout. Il y a une augmentation de 150% d'excès de vitesse sur les viaducs, parce que quand t'arrives sur le viaduc en bagnole, je te jure, tu mets gaz, parce que t'as qu'une envie, c'est d'aller au bout, mais le plus vite possible. Ah ben alors moi, de toute façon, c'est mon cas. Moi, écoutez, bizarrement, je n'ai pas peur du vide, autrement, je ne vous inviterai pas aussi souvent les uns et les autres dans cette émission. C'est facile, quand même. Oh là là. Ouais, et voilà les autres qui applaudissent. Oh, les fans. Mais je vais vous dire, justement, que ce soit au Havre ou ailleurs, quand il y a le pont de Tancarville, le pont de Normandie, n'importe quel pont, dès qu'il y a un pont sur lequel je dois passer, bizarrement, expliquez-moi ça, je suis obligé de me mettre sur la file du milieu. Non. Je n'arrive pas à être sur la file. Alors, il y a des médecins pour ça, déjà. Ah oui, mais je trouve que c'est inquiétant, quoi, d'être au bord. J'ai le vertige, moi aussi. Ah, vous voyez. Mais moi, je n'ai pas le vertige. Ah, si, si. Ah, vous n'avez pas le vertige. Ah, non. Ah, si, si. Si vous me mettez sur un balcon, par exemple, vous voyez, je ne vois pas pourquoi vous me mettez sur un balcon. Oui, non, pas. Mais bon, si je vais tout seul sur un balcon et que je me penche, au rez-de-chaussée. Je n'ai absolument pas le vertige. Je vous emmène en hélicoptère, vous n'aurez pas le vertige? Ah, pas du tout, souvent pris l'hélicoptère. Mais en tout cas, on a beaucoup plus de vertige quand on est relié au sol que quand on saute d'un avion, par exemple. Moi, j'ai fait les deux. Ouais. C'est beaucoup plus impressionnant de se jeter en saut à l'élastique d'un pont. Ouais. Là, tu as vraiment des sensations énormes, alors que tu te jettes de 4000 mètres. Bon, c'est pas la mort tout de suite. Tu sais que t'as du temps. T'es accroché à un mec, le moniteur, tu vois, qui va ouvrir le parachute. Donc tu es gentil avec lui, tu vois. Il y avait un truc qui était horrible et très drôle que des types avaient fait sur un viaduc très haut. En général, on fait pas très attention. On laisse faire les gens qui s'occupent de vous, le harnais, l'élastique, le crochet, etc. Et le mec, on lui fait un, deux, et le type, au moment où il se jette dans le vide, t'as un autre qui arrive avec un gros crochet à harnais qui fait non, non, non! Ouais. Et le type, pendant toute la descente, il pense qu'il est plus accroché. On m'a fait. C'est pas vrai. On m'a fait. C'est horrible. Mais je suis sûr que t'as dit. Ah, c'est horrible. Ah, tu peux mourir. Tu peux quelqu'un de méchant comme toi a eu l'idée. Ah non, je l'ai vu. Non, je l'ai vu. Moi, je l'ai vécu. Moi, j'ai vécu du haut du pont de Ponsonnas. Ils sont coutumiers du fait, les mecs. Et au moment où j'y suis allé, 3, 2, 1, le mec, il a fait « Non, non, le mousqueton !» Il m'a fait. Et moi, je suis descendu avec la vache, J'ai perdu 2 années de vie. Dans un instant, retour des grosses têtes sur RTL. Le grand jeu RTL de Noël aura lieu tout à l'heure à 17h40. N'oubliez pas à gagner aujourd'hui soit un MacBook Air ou bien un voyage de rêve à la rencontre du Vietnam, du Delta du Mékong à la baie d'Along avec Salin Holidays. Pour jouer ensemble tout à l'heure, dépêchez-vous, vous composez le 3210 pour vos inscriptions ou encore vous envoyez RTL par SMS au 74 900. Je vous dis à tout à l'heure. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le cadeau de Nicolas qui change. Avec 30% de remise sur le bijou diamant de son choix dans les espaces bijouterie Auchan, la vie en or. Moins 30% Nicolas. Repense à la tête qu'elle a fait l'an dernier quand tu lui as offert un aspirateur. C'est le moment de te rattraper, non ? Jusqu'à ce soir seulement, vos espaces bijouterie Auchan La Vie en Or proposent 30% de remise sur le bijou diamant de votre choix. Et vos cadeaux changent. Auchan. Hors promotion et catalogue en cours. Roulez en Peugeot maintenant. Commencez à payer en 2019. Si vous avez hâte de conduire un SUV Peugeot au design affirmé, et si vous êtes impatient de donner une nouvelle dimension à vos voyages avec une modularité jusqu'à 7 places, alors n'attendez pas l'année prochaine. Rendez-vous chez Peugeot. En ce moment, bénéficiez des 2 premiers loyers offerts et repartez immédiatement au volant d'un SUV Peugeot. LLD 37 mois 30 000 km jusqu'au 31 décembre sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur Peugeot.fr. Sur RTL pour les courses aujourd'hui, direction Cabourg, avec vous Claude Piersanti. Bonsoir Claude. Bonsoir Isabelle, avec le quintet du jour qui a été gagné par Coolstar, une première victoire dans cette catégorie pour son jeune driver Antoine Dabouille. La combinaison gagnante 7, 16, 3, 4 et As. La sixième course, le 15, Funzé du Montchel, drivé par son propriétaire entraîneur Sébastien Baude, rend victorieusement 25 mètres. Elle rapporte 3, 10 gagnants à 80 placés. Deuxième, le 10, Fanny de Guinette, 3,70. Troisième place pour le 14, Féline des Noé, 1,90. Et quatrième, le 3, Flamenca de Cassis. Les résultats complets de cette réunion de Cabourg ainsi que les pronostics pour le quintet de demain à Vincennes, le 32,10, 50 centimes la minute, ou le site onrefaitlescourses.fr. Isabelle. Drôle de nom aujourd'hui, hein, un peu compliqué de faire journée. Toujours avec les chevaux. Ouais, c'est ça. À demain, Claude. À demain. Bonne soirée. Deux petits mots également pour vous signaler les spectacles de Chantal Latsou en tournée en ce moment avec son On the Road Again. Demain, vous retrouverez Chantal. Demain donc vendredi à Nantes, samedi à Rennes et puis un petit peu plus tard au Casino de Paris. Allez-y pour passer vraiment de très très bons moments avec Chantal Latsou du 12 au 19 janvier avec RTL. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Céline est au téléphone. Bonjour Céline, à Rolvergy en Côte d'Or. Vous allez bien ? Oui, tout à fait. Oui, bien et vous ? Vous préparez les fêtes ? Exactement. Réveillon chez vous, chez d'autres ? Réveillon à la maison avec toute ma famille. Avec toute la famille, combien de personnes ? Ouh là là, on va être 8 plus mon bébé. Ah, oh, dis donc, c'est un grand voyage au bout de la nuit. Vous êtes 8. Et alors, vous avez prévu quoi pour le réveillon ? On peut savoir si ce n'est pas indiscret, j'aime bien savoir. C'est un menu surprise quand mon mari. C'est mon mari qui cuisine, hein, vous voyez. C'est lui qui prépare tout. Voyez l'homme comme moderne, moi. Monsieur Benichou. Comme moi. Hein, l'homme moderne. Oh là regardez là, les deux vieux cons, là. Céline, faites quoi dans la vie ? À part, donc. Profitez du réveillon de votre époux et de votre mari. Je suis responsable d'un service client. Responsable d'un service client où ? À Dijon. À Dijon, mais... Mais où, dans quel magasin, connasse? Putain, c'est pas vrai. À laboratoire pharmaceutique, j'ai bien entendu. Il faut de la moutarde. Céline, vous allez pouvoir partir en famille. Alors, pas 8, hein, mais 4, c'est déjà pas mal. Une semaine en bateau, avec les fameux bateaux de location sans permis. Une semaine sur les canaux et les rivières de France, bateau très confortable. Une à 3 salles de bain, plusieurs cabines, une cuisine, une terrasse pour les repas, apéro, conduite extérieure. Vous serez votre propre capitaine de bateau. Le boat s'apprend à piloter en 20 minutes avant le départ. Tout l'intérêt, évidemment, est de prendre son temps, de naviguer, de remonter tranquillement les merveilleux cours d'eau français. Céline, êtes-vous prête ? Je suis prête. La question est toute bête, elle concerne le SMIC, dont on parle beaucoup, évidemment, en ce moment, mais pas le SMIC français. En effet, on a dans la presse la, on va dire, la comparaison avec ce qui se passe dans d'autres pays. Et dans un pays, il vient d'être annoncé une augmentation de 22% du SMIC. Plus 22%. Dans quel pays le gouvernement vient-il de faire cette annonce? Plus 22%. En Espagne. En Espagne, c'est gagné. Alors attention, il faut quand même être honnête aussi. Certes, le salaire minimum est augmenté de 22%. Bah, il part de très bas. Mais il est bien plus bas que chez nous. Attention, il était à 858 euros et il passe à 1050 brut. Donc il vaut mieux effectivement avoir un SMIC plus haut avec une petite augmentation qu'une grosse augmentation sur un petit SMIC. C'est clair comme le gouvernement. J'ai l'impression que je suis porte-parole du coup. Non mais c'est intéressant hein, de comparer les SMIC. Alors par exemple au Luxembourg, dites donc, champion d'Europe. Ah, si Stéphane Bern un jour touche le SMIC là-bas, 1998 euros. Oui, enfin, le coût de la vie au Luxembourg n'est pas le même qu'en Espagne. Hein. Ah, bah oui, mais tu vas toucher le SMIC, puis tu passes la frontière pour acheter tes. Ah, oui, puis Luxembourg-Espagne, c'est deux minutes. Oui. Non, mais. Mais non, par rapport à la France, imbécile. Non, comment ça, imbécile? Non, mais dites donc. T'as pas le droit de dire imbécile. Mais d'ailleurs, tu sais, si j'avais écouté ma mère, franchement, je serais pas là. Non, mais c'est vrai. Si j'avais écouté ma mère, je serais pas là. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi si vous aviez écouté ma mère? Eh ben parce que si j'avais écouté ma mère, je serais pas là. Pourquoi quoi. On t'a demandé pourquoi imbécile. Pourquoi quoi? Pourquoi si vous aviez écouté votre mère, vous seriez pas là? Parce que je vous le dis, si j'avais écouté ma mère, qu'est-ce je serais pas qu'elle là. Dit ta mère on comprend pas ce que vous voulez nous dire. On peut savoir ce qu'elle te disait qu'elle ta mère. Mais j'en sais rien, j'ai pas écouté. Ça c'est plus malin. Quel métier. Je dis chapeau, monsieur de Chavannes. Vous avez une petite histoire pour Céline pour qu'elle reparte heureuse. C'est juste Céline, écoute-moi bien. C'est une femme qui dit à son mari, chérie, j'en peux plus, je voudrais avoir des seins plus gros. Et son mari m'a dit, t'as qu'à prendre du papier toilette, hein, et tu te le frottes entre les seins. Il dit, tu te fous de ma gueule? Je vais me frotter du papier toilette entre les seins, ça va faire grossir ma poitrine. Bah, il dit, ça a bien marché avec ton cul. Putain. Oh, non, mais je suis désolé là. Non mais excusez-moi, Jean-Marie et moi, on s'apprécie beaucoup, mais on ne vole pas dans la même catégorie. Non. Parce que moi, je me rappelle quand même que quand ma fille, un jour, m'a amené, elle est revenue de l'école, elle me donne son carnet de notes, elle me dit, tiens, voilà mon oignon. Bah, j'ai commencé à, qu'est-ce que tu me racontes? Tiens, je te donne mon oignon. Bah, j'ai dit, qu'est-ce que tu me racontes? Enfin, c'est ton carnet de notes, pourquoi tu me dis que c'est ton oignon? Et bah, parce que tu vas voir, tu l'ouvres et tu pleures. Ah, c'est joli, c'est mignon, c'est mignon. Bravo Céline, en tout cas, et bon réveillon. Et Céline, faites le plein de gourmandises avec Jeff de Bruges. Cette semaine, RTL vous offre un bel assortiment des meilleures recettes chocolatées de Jeff de Bruges, un ballotin de chocolat, des truffes onctueuses de délicates Juliette et un coffret de palais grand cru. Moi, je vous envie. Bravo. Les grosses têtes sont à vos côtés jusqu'à 18h sur RTL. Salut à tous, c'est Michel Télissarassou. Je vous souhaite de joyeuses fêtes en famille avec nous sur RTL. Monoprix, tu sais que t'es fan de Noël quand t'as mis tellement de guirlandes lumineuses autour de ta maison que même les cosmonautes te voient depuis l'espace. Et tu sais que t'es vraiment fan de Noël quand pour aller faire tes courses du réveillon chez Monoprix, tu prends pas un taxi, mais tu prends un traîneau. Noël, c'est parti chez Monoprix. Profitez de la promotion exceptionnelle. Pour un bloc de foie gras de canard entier, Comtesse du Barry acheté avec la carte, le deuxième est offert jusqu'à ce soir seulement. Monoprix IGP Sud-Ouest, le torchon de 200 grammes. Voir conditions de l'offre et de la carte en magasin. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Gaël de Gap. Un giga en vie pour Noël d'un forfait mobile gavé de giga et d'un smartphone tout neuf. Il en serait gaga de ça, Gaël. Le problème, c'est qu'il a peur de griller toutes ses économies. Eh bien, Gaël, cessez d'angoisser du porte-monnaie car l'offre qui va suivre est giga faite pour vous. En ce moment, chez Bouygues Télécom, vivez un Noël inoubliable et profitez de 15 euros de réduction par mois pendant 12 mois sur les forfaits sensations 50 gigas et plus. Appelez gratuitement le 3106. Engagement 24 mois, offre soumise à condition avec conservation du numéro. Air France. France. La France. Is in the air. La France est dans l'air. Je suis un poème d'Hugo. Tu es une chanson de crooner. Je suis le raisin. Tu es la pomme. Je suis une blanquette de veau. Tu es un hot dog. Air France. France. La France. Is in the air. Découvrez New York au départ de Paris à partir de 299 euros jusqu'au 24 décembre 2018. Tarif TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus pour des départs du 14 janvier au 14 mars 2019. Faites les fêtes chez Géant et soyez élus Père Noël de l'année. Jusqu'au 24 décembre, pendant les heures géantes, de 11h à 13h et à partir de 17h, profitez de remises jusqu'à moins 50% sur tous les jouets. Oui, jusqu'à moins 50% sur les jouets pendant les heures géantes. Joyeuses économies à tous chez Géant. Remise sous forme de bon d'achat, voire conditions et liste des magasins participants sur géantcasino.fr. Qui habite, le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est de ne plus avoir à attendre les soldes pour se faire plaisir. Découvrez les ventes qui ne se privent pas chez Kiabi. Plus vous achetez, moins vous payez. Pour deux articles, profitez de moins 20%. Trois articles, moins 30. Quatre articles, moins 40. Et cinq articles, moins 50%. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Du 15 décembre au 8 janvier, sur articles signalés. Conditions et liste des magasins ouverts sur kiabi.com. Ah, ça approche, hein. Dans quelques minutes à 17h40, n'oubliez pas notre grand jeu de Noël à gagner aujourd'hui, soit un MacBook Air ou encore un voyage de rêve au Vietnam. Inscrivez-vous, 3210, vous envoyez RTL par SMS au 74 900. On jouera ensemble, promis, dans quelques minutes. Une question pour Mathieu Michel, qui habite Méreuil. C'est l'heure du bilan, cette fin d'année. Ben dans oui. l'hebdomadaire Le Point, on nous rappelle les meilleures audiences télévisuelles de l'année. Le jour du signe. Non, alors évidemment, en cumulant toutes les chaînes, et si on oublie, ça va de soi, la finale de la Coupe du Monde de football. Je crains de ne pas être dedans. Gros score. Alors, ça c'est vrai que vous n'y êtes pas, non, mais là, on est dans le haut du haut du haut du panier. Hein. Attends, alors, évidemment, Emmanuel Macron... Oui, l'allocution, allait dire, ah, là, allocution télévisée du président de foot. 23 millions de téléspectateurs, mais évidemment, c'est toute chaîne confondue concernant le président de la République, donc on ne peut pas prendre ça en ligne de compte. Non. En tête, donc, hors football et hors président de la République, ce sont les Enfoirés, en mars dernier, 10 millions de téléspectateurs. Derrière, c'est Muriel Robin avec le téléfilm Jacqueline Sauvage, toujours sur TF1, 8 millions de téléspectateurs. Capitaine Marlowe sur France 3, 8 millions de téléspectateurs. Ça, c'est sur France 3. Et puis après, à la quatrième et à la cinquième place, c'est encore TF1, mais là, quelle ne fut pas ma surprise, parce que je dois avouer que je ne connaissais pas ce garçon, voilà. Qui s'appelle Freddy Highmore, qui est un acteur, qui joue donc le rôle d'une série qui fait à chaque fois près de 8 millions de téléspectateurs. Quel est le nom de cette série diffusée sur TF1, dont les deux épisodes sont à la quatrième et à la cinquième place du podium? Avec 8 millions, quasi 8 millions, 7,947 millions de téléspectateurs. C'est l'adaptation du roman, là. L'acteur, en tout cas, s'appelle Freddy Highmore. C'est l'adaptation du roman qui a quelque chose, quoi. C'est un truc anglais. Ah non, pensez à Rick Hébert qui passe actuellement. Ouais. Pas du tout. Non, c'est une série médicale. La diffusion a eu lieu en août et en septembre. Médicale, oui, Christine Ockrent. Docteur House. Alors, il y a docteur dans le titre, mais c'est. Ah oui, mais oui, mais oui. Mais ah, c'est good, pas, good c'est Doctor. Oui, good voilà. Doctor, oui. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Un peu aidé par moi. Oui. Good Doctor. Vous connaissez cette série, The Good Doctor? Non, j'ai juste vu que ça avait fait un carnage, mais comme ça n'est passé en fait que deux fois. C'est un jeune docteur autiste, savant, doté d'une très grande intelligence, qui travaille dans un hôpital où, au départ, il n'est pas très bien accepté. Mais heureusement, un autre docteur l'aide à surmonter les préjugés et il va être confronté en permanence évidemment à des cas stimulants pour lui qui est un docteur autiste. Et il paraît que ça fait un carton cette série. Surtout à Saint-Tropez. Good Docteur, pourquoi à Saint-Tropez? Autiste à Saint-Tropez. Oh non mon Dieu. Monsieur Benichou, faites quelque chose. Je ne peux plus rien pour vous. Alors, puisque j'en suis au score de l'année, là, c'était pour la télévision, mais au cinéma, je peux vous dire que c'est Bob, Hélène, Violette, Flèche et Jack-Jack qui sont en tête du box-office cette année au cinéma. De qui s'agit-il ? Indestructible 2. Les Indestructibles 2. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Ah ben, vous êtes au courant, Jean-Marie. Bah, obligé, avec les enfants, quoi. Eh oui. Et les enfants, moi, mon petit Jules, il court comme flèche. Il bouge les bras très vite que ça. Il croit qu'il va plus vite que tout le monde. Alors maintenant, une question sur le réveillon de Noël. Ah, parce que oui. C'est vrai qu'il y a, là, je suis bon. Il faut le dire, il y a des auditeurs qui, hélas, sont seuls le soir de Noël ou peut-être à deux. Ils regardent la télé. Tout le monde n'a pas forcément l'occasion ou la chance d'être ou en vacances ou en famille. Et ouais, voici donc le programme de votre réveillon de Noël sur les différentes chaînes. Le 24 décembre, au soir, donc, vous aurez, sur M6, faut pas louper, Mary Poppins, le premier film, hein, évidemment. Poppins. L'original. Oui, pas l'actuel. Pas celui qui vient de sortir. Valérie Mérès l'a très bien fait hier. Ah, ben j'étais pas là. Alors, sur M6, donc, Mary Poppins, sur TF1, et c'est ça la question, évidemment. C'est un film avec Vincent Cassel qui va être diffusé pour le réveillon de Noël. L'Empereur, non. Quel... Bah non, ça c'est au cinéma. Ben non, ça vient de sortir. Réfléchissez, Chantal. Oui, bien sûr. Quel film avec Vincent Cassel le soir de Noël, ça va être un truc sera cool. diffusé le soir de Noël sur TF1 Ocean's Eleven. Ah non. Mesrine, non. Non. C'est pas très Noël, Mesrine. Non, c'est pas Noël. C'est moyen, hein. Non, mais ça aurait pu être Ocean's Eleven, parce qu'il braque les casinos la nuit de Noël. Ah oui, mais non, c'est pas Ocean's Eleven. Voilà une bonne question. C'est un film d'amour, non ? Qui, à mon avis, va rapporter 300 euros à Mathieu Michel, qui habite Méreuil. Un film d'amour, on peut dire oui, un film d'amour. Un peu conte de fées, quoi, comme Coup de foudre à Noël. Un film assez récent, il date de 2014. Oui. Dans le milieu de la danse ? Dans le milieu de la danse. Vous pensez au film avec Nathalie Portman ? Oui, que j'aime beaucoup. Black Swan. Oui, Black Swan. Non, mais c'est pas bête, monsieur de Chavannes. Sur tes lèvres ? Pardon. Sur tes lèvres. Ah, sur mes lèvres à moi. Non, le film de Jacques Audiard avec Emmanuel De Vos. Non, ça non plus, c'est pas un film de Noël quand même, monsieur Bénichou. C'est avec Mathilde Seigner, non ? Non, je vais vous aider. C'est avec Léa Seydoux. Ah oui. Ah, si c'est doux, c'est dur. Il y a aussi André Dussolier dans ce film, d'ailleurs. André Dussolier. Audrey Lamy, Sarah Giraudeau. Ah, dis donc, mais c'est un casting, ça. Ah, mais... C'est un remake, je vous aide. Ah, le pont de la rivière Kouai. Ah bah non. Paris-Brûle-t-il ? Non. Des Misérables ? Non. Dans le titre, je vais vous aider. Il y a Noël. Non, pas du tout. Le titre désigne Vincent Cassel et Léa Seydoux. Podane ? Podane, non. La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, encore une bonne réponse de Jean-Marie Bigard. En pleine forme. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Bah, la prime de Noël chez Opel, je croyais que c'était une légende. Une reprise de 4000 euros minimum pour l'achat d'une Opel. Un conte de Noël, quoi. Et puis en fait, c'était vrai. Et j'ai raté l'offre. Bon, bah, depuis je crois à tout, moi, le Père Noël, les lutins, les rennes qui volent, tout le bazar. Même la petite souris, j'y crois dans le doute. Eh ben répétez-le pas, hein. Le Père Noël existe bien. Jusqu'au 31 décembre, bénéficiez d'une prime de Noël Opel de 4000 euros pour la reprise de votre véhicule et l'achat d'une Opel neuve en stock identifié. Offre non cumulable réservée aux particuliers. Conditions sur opel.fr. Ah chérie, regarde celle-ci, elle est parfaite, non ? Elle est pas un peu grande ? Mais non, c'est le modèle qui veut ça. Oh, attends, et si on offrait la même à ma sœur pour Noël ? Avec une orchidée, on est sûr de pas se planter, hein ? Jusqu'au 31 décembre, les plantes sont en fête chez IKEA. L'occasion de faire plaisir à petit prix avec l'orchidée une tige et son cache-pot 12 cm à 5,99€ au lieu de 7,98€. Profitez-en grâce à notre carte gratuite IKEA Family. IKEA. Offre dans la limite des stocks disponibles, voire conditions sur IKEA.fr. Père Noël, je voudrais plein de chocolat pour moi, papa, maman et mamie. Oh oh, j'ai rempli ma hotte de coffrets Réaud et chocolat. Et il y en a pour tous les gourmands. Venez en magasin déguster nos chocolats de qualité. Recettes artisanales et coffrets à partir de 8,60€ seulement. Réaud et chocolat, fabricant chocolatier français. Goûtez, vous verrez. Pour votre santé, évitez de grignoter. Nolwenn Leroy. Découvrez son nouvel album Folk. So far ago from Frisco. Folk, Le nouvel album de Nolwenn Leroy. Disponible maintenant. Avec RTL. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron ? Oh, c'est alléchant. Chez Lidl ? Mais quoi encore ? Ben les litchis. Demain et après-demain, les litchis frais en vrac sont à un prix alléchant. 2,79€ le kilo. Les litchis frais en vrac à 2,79€ le kilo chez Lidl ? C'est pas vrai. Ah chichi, chez frais est vrai. Et ils sont à s'en lécher les babines, hein. C'est litchis en vrac origine Madagascar. M'agace pas, car tu pourrais te retrouver en vrac toi aussi. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Origine Madagascar. Supermarché exceptionnellement ouvert ce dimanche 23 décembre. Plus d'informations et horaires sur Lidl.fr. RTL. Caroline Dublanche. Parlons-nous. Bonjour, c'est Caroline Dublanche. Chaque soir, je vous accueille dès 22h30 pour échanger avec vous sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Parlons-nous au 09 69 39 10 11. À ce soir. Prix d'un appel local. Caroline Dublanche. Parlons-nous. L'antenne est à vous. Du lundi au jeudi à partir de 22h30 sur RTL. Jusqu'à 18h sur RTL, vos grosses têtes avec Laurent Ruquier cet après-midi, Jean-Marie Bigard, Jean-Jacques Perroni, Pierre Bénichoux, Christophe Dechavanne, Chantal Latsou et Christine Ockrent. Une question pour Sabrina Côteville qui habite Vieux-Berquin, c'est dans le Nord. Et la question concerne une jeune femme d'origine asiatique, je vais même vous donner son nom. Pas problème. Canyon Sisis Lee, dont la photo réapparaît un peu partout dans la presse ces jours-ci, et particulièrement sur une page entière dans Nouvelle Obs, puisque c'est une photo, j'imagine, de son mariage le 21 septembre dernier. Mais de qui s'agit-il ? La femme du... C'est pour la femme du président chinois ? La femme de quelqu'un de connu ? La femme de quelqu'un de connu, oui. En France. En France et dans le monde. C'est le mec qui rentre chez lui, il dit à son pote, il dit « J'entre chez moi, je trouve ma femme au lit avec un Chinois. » Alors il dit « Oh l'enculé !» Et qu'est-ce que tu lui as dit ? Bah il dit « Rien, qu'est-ce que je lui dise ? Je parle pas chinois, moi. » Elle est mignonne. Ouais. Alors, et donc là, c'est une Chinoise ? Là, c'est un Français avec une jeune femme d'origine chinoise. Elle est peut-être née en France. Ah, mais en tout cas, elle s'appelle Kan Yung Lee Zis Lee. Il y a une page entière. Lui, c'est pas un milliardaire ? Lui, ce n'est pas un milliardaire. Millionnaire, peut-être, mais pas milliardaire. Un homme d'affaires ? Un homme d'affaires, un comédien. Un comédien. Ah, il a joué parfois à la comédie, mais enfin, c'est assez rare. Un sportif, ah ça non. Attendez, il a joué la comédie, mais c'est assez rare. Mais ça lui est arrivé. Bien. Et de la musique aussi, parfois avec un groupe. Ah, il est multigapète. Ça lui est arrivé de monter sur scène, oui, oui. Multigapète. C'est pas un tennisman. Ah, ce n'est pas un tennisman. Il n'est pas dans le BTP ? Non, mais on en reparle, parce qu'il fait partie, évidemment, non seulement des événements de l'année à cause de son mariage, mais on va surtout beaucoup en parler en début d'année prochaine. Ah, ok. C'est un chanteur ? Un chanteur, non, je le dis. Il est avocat. Il a chantonné une ou deux fois comme ça sur scène. Et, bon, je ne crois pas que ce soit ce qu'il fasse... Le mieux, hein. Non, franchement. Non, non mais il chante c'est comme pas, de la merde. Hein. Oui. Pavarotti ? Mais il est mort, Pavarotti. Il a chanté deux, trois fois. Oui, parce qu'il a un groupe, alors il s'amuse avec son groupe de... Enfin, il s'amusait de temps en temps avec un groupe, mais franchement, je vous conseille pas. C'est un Français, hein. Un Français, oui. Non, pas Eddie Jordan. Yannick Noah. Ah, Yannick Noah. Il serait content, Yannick Noah, d'apprendre qu'il chantonne. Je reconnais. Mais il a un métier, genre une profession libérale ? Oui. Ah, il est dentiste, notaire ? Non, enfin, libéral, qu'il vous appelle. Il est acteur. C'est un artiste avant tout. Un peintre. Sculpteur. La seule catégorie d'art que vous ne m'ayez pas donnée. C'est sculpteur. Un peintre, non. Un danseur, mais non. Ah, il fait de la poterie. Non, il fait pas de la poterie, non. Il fait du macramé. Mais non, mais enfin, écoutez, s'il n'est pas chanteur, s'il n'est pas acteur, mais qu'il l'est un tout petit peu quand même, qu'est-ce qu'il peut être d'autre ? Scénariste. Pas scénariste. Metteur en scène. Producteur. Producteur, oui, mais encore. Écrivain. Écrivain. Ah, heureusement qu'il y en a un qui lit ici. Ouais, oui. Merci Jean-Marie. C'est un écrivain, oui. Qui vend beaucoup de livres. Michel Houellebecq. Michel Houellebecq. Ouais. Bonne réponse de Christine Ockrent. Heureusement que vous êtes là, Christine. Hein. Oh là là là là là. Michel Houellebecq. C'est pour ça que j'ai fait durer le suspense. Je comprends. Ah, j'aime quand vous dites suspense. Mais je sais, c'est pour on ça. On est en plein réveillon avec le homard. Oui. Passe-moi le suspense. Pourquoi vous dites suspense ? Ben parce que ça se dit comme ça, on dit pas suspense. Ah si. Il n'est pas une dernière petite histoire, non, j'en ai pas. Hop. Désolé. Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL. RTL. La curiosité est un vilain défaut, avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues. En 45 ans, la Terre a vu ses populations d'animaux sauvages décliner de 60%. Déforestation, dérèglement climatique, braconnage. Comment font les animaux pour s'adapter? On découvre que la nature est la plus forte demain à 14h sur RTL. Marc, qui prépare ses fêtes de fin d'année, demande à la responsable du rayon frais. Avez-vous une idée pour une belle entrée? Oui, demain avec votre carte U, vous avez 40% offert en Eurocarte U sur l'étui de 10 tranches de saumon Atlantique de Norvège U à 10,99€, soit 4,40€ versés sur votre carte U. Et Marc repart avec son saumon fumé, frétillant comme un poisson dans l'eau. U. Commerçant autrement. Demain seulement dans les magasins U participants. Liste sur magasinu.com. Étui de 375 grammes, soit 29,31€ le kilo. Transformé en France. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Nocibé. Envie de trouver le cadeau idéal pour Noël? Rendez-vous chez Nocibé pour combler tous ceux que vous aimez. Parfums, coffrets, palettes. Des offres exceptionnelles à tous les prix vous attendent en magasin ou sur nocibé.fr. Et jusqu'à la dernière minute, profitez du click and collect 2h sur nocibé.fr. Nocibé, la beauté libérée. Conditions dans les magasins participants et sur nocibé.fr. Rouler en Peugeot maintenant, commencez à payer en 2019. Si vous avez hâte de conduire la compacte urbaine Peugeot 208 et si vous êtes impatient de déjouer les contraintes de la ville et de vous garer facilement avec son parc assist, alors n'attendez pas l'année prochaine. Rendez-vous chez Peugeot. En ce moment, bénéficiez des deux premiers loyers offerts et repartez immédiatement au volant de votre Peugeot 208. LLD 37 mois, 30 000 km jusqu'au 31 décembre sous réserve d'acceptation crédit par détail sur Peugeot.fr. Faites les fêtes chez Géant et profitez des ventes privées pour vos cadeaux de dernière minute. En ce moment, dans votre magasin Géant, jusqu'à moins 70% sur des centaines de produits mode, multimédia et maison. Oui, jusqu'à moins 70% sur des centaines de produits. Joyeuses économies à tous chez Géant. Remise sous forme de bon d'achat sur présentation de la carte Casino. Voir conditions et liste des magasins participants sur géantcasino.fr. Tout de suite, la Bourse en direct en partenariat avec Les Échos et Investir. Nous retrouvons Sylvie Aubert. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Isabelle. Alors la Bourse est au plus bas depuis 2 ans. Et oui, j'ai pas de bonnes nouvelles. L'indice parisien a encore perdu 1,7%. Il repasse sous les 4007. Il est à 4695, un niveau inconnu depuis août 2016. À Wall Street, l'indice Dow Jones abandonne à l'instant 0,8%. Et la baisse de l'indice Standard & Poor's 500, un indice très large puisqu'il a donc 500 valeurs, eh bien, cette baisse depuis le point haut est de plus de 15%. Et cela signifie que le marché américain est désormais survendu. C'est devenu un marché baissier, comme on dit dans notre jargon de boursier. Alors malgré tout, personne ne veut s'y risquer, car la visibilité est trop mauvaise. Hier encore, Jérôme Powell, le président de la Fed, a estimé que l'économie américaine était suffisamment solide pour supporter encore 2 hausses de taux l'année prochaine. Mais le marché pense le contraire. Il craint un ralentissement beaucoup plus marqué en 2019 et ne veut pas donc acheter d'actions en ce moment. Du côté des valeurs, il y a quelques titres qui étaient malmenés dernièrement à Paris et qui se redressent un tout petit peu, comme Eramet, Coface et Fnac Darty. Tout ça, ça prend entre 1 et 2%. À l'inverse, c'est la catastrophe pour DBV Technologies. C'est une société de biotechnologie qui a retiré un dossier d'enregistrement de son produit phare aux États-Unis pour compléter des informations sur sa fabrication et le titre a plongé de 70%. Isabelle, on se retrouve demain. Bonne soirée à vous. À demain. Bonne soirée. Sylvie. Dans quelques minutes, notre grand jeu de Noël. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Toujours un peu stressant, hein. On va voir qui va remporter aujourd'hui, soit ce MacBook Air ou bien ce voyage de rêve au Vietnam. 32-10 pour l'heure. Nous retrouvons Laurent Ruquier, ses grosses têtes et des citations. Une citation pour Séverine Ortega, qui habite Villiers-Saint-Georges, qui a dit « J'ai connu un mec qui, pour rassurer sa mère après un match de boxe, lui a dit « J'ai pas gagné, mais j'ai fait deuxième ». Bon alors là, c'est français. C'est français. Ouais. C'est mort. C'est mort. Des proches? Non. Jean-Yann. Non. Pierre Dac. Mais non. Le style, franchement, vous le reconnaissez. Coluche. Coluche, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une autre citation, et cette fois, ce sera pour Mathieu Rivière, qui habite Angles, qui a dit « Crevez gros, crevez maigre, la différence est pour les porteurs ». Francis Blanche. Francis Blanche, bonne réponse. Voilà, les gars. De Jean-Jacques Perroni, qui a dit « Mourir pour ses idées ne prouve pas qu'elles soient bonnes ». Ah, joli. Et c'est pour monsieur Damien Tevel, qui habite Mont-sur-Marchienne, en Belgique. C'est français. C'est du Georges Brassens. Ce n'est pas du Georges Brassens, c'est français, même s'il s'agit d'un homme de lettres né à Saïgon. Yvan Audouard. Yvan Audouard, wow. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation maintenant pour Valérie Jean-Baptiste, maintenant, qui habite Saint-Marceau dans les Ardennes, qui a dit « On récompense des écrivains parfois pour leur œuvre, pourquoi n'en punit-on jamais ?» Français. Un Français. Jean d'Ormesson. Un Français qui d'ailleurs lui-même fut récompensé pour son œuvre littéraire. Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, non. Céline. Céline, non. Académicien français. Académicien français, oui. Jean Dutour. Jean Dutour, non. Mauriac. Mauriac, non. Romancier ou auteur dramatique? Alors, dramaturge, et c'est vrai qu'il est connu surtout pour une œuvre de sa dramaturgie. Contemporain? Contemporain, il est mort en 72. Pas académicien? Académicien français. Monterland? Monterland, non. Montervit? Pardon. Non. C'est pas Cocteau, c'est... Giraudoux. Giraudoux, non. Oh non, il est mort plus tôt, lui. À chaque fois que son nom tombe dans les citations aux grosses têtes... On ne trouve pas. C'est un chèque RTL qui s'en va, et à chaque fois que je vous dis son nom, vous me dites « Ah bah merde alors !» Giraudur. Quoi? Vous avez dit quoi? Giraudur. Non, écoutez, Giraudoux, Giraudur, Monterre Rapide et Monterre Lent. Non, j'ai dit Monterre. Franchement. Mais c'est bien, c'est bien. Ça meuble, certes, mais quand même. Alors, non, mais c'est un auteur. On a dit Monterre Lent. C'est oui. Un auteur que même Chantal Latsou connaît. Ah bon? Hein. Ah oui, oui. Alors, attendez. Donc, j'aurais pu... Maurice Druon, bah alors. C'est aimable, madame, pour Maurice Chantal. Maurice Druon. J'aurais pu jouer cette pièce. Maurice Druon. Ah, vous auriez été parfaite, non pas dans le rôle-titre, parce que le rôle-titre est masculin, mais en tout cas, parmi les autres rôles, je vous vois très très bien. Anouilh, non. Anouilh, non. Et qui est plutôt... Jules Romain. Jules Romain, l'auteur de Knock. Ah, bonne oui, réponse oui. De Pierre Bénichoux. Ah, oui. Une citation pour Priscilla Armin, qui habite Toulouse, qui a dit « Certains hommes sont tellement curieux de voir le bonheur de leur femme qu'ils prennent des détectives pour en connaître la raison. » Ah, bien ça. Pierre Doris. Pierre Doris, non. Là encore, c'est assez difficile à trouver. C'est un Français. Ah, il s'agit d'un Français, journaliste, scénariste, homme de théâtre, là encore. Philippe Labreau, non. Jean-Loup Dabadie. Ah, non, non, non, c'est plus ancien. Il est mort en 71. Ah, juste avant... Robert Manuel. Robert Manuel, non. Et il a travaillé au Canard Enchaîné. Mais il faisait pas de scène. Et non, il faisait pas de scène. Et on lui doit, si ça peut vous aider, on lui doit une comédie musicale. Traîneau. Non. Une comédie musicale. Daninos ? Non. Qui fut Alexandre Bréfort. Alexandre Bréfort, l'auteur d'Irma la Douce. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Monoprix. Tu sais que t'es fan de Noël quand t'as mis tellement de guirlandes lumineuses autour de ta maison que même les cosmonautes te voient depuis l'espace. Et tu sais que t'es vraiment fan de Noël quand pour aller faire tes courses du réveillon chez Monoprix, tu prends pas un taxi, mais tu prends un traîneau. Noël, c'est parti chez Monoprix. Profitez de la promotion exceptionnelle. Pour un bloc de foie gras de canard entier Comtesse du Barry acheté avec la carte, le deuxième est offert jusqu'à ce soir seulement. Monoprix, IGP Sud-Ouest, le torchon de 200 grammes. Voir conditions de l'offre et de la carte en magasin et sur monoprix.fr. Pour votre santé, bougez plus. Air France. France. La France. Is in the air. La France est dans l'air. Enroulé dans une grande limousine, derrière des surfeurs qui jouaient du jazz, dans un parc de séquoias avec des gratte-ciels, des casinos et une superbe blonde dont la jupe volait au-dessus d'une bouche de métro et puis là, quelqu'un a dit « Coupé ». Ah oui ? Ah bah ça, c'est le rêve américain. Air France. France. La France. Is in the air. Découvrez San Francisco au départ de Paris à partir de 309€ jusqu'au 24 décembre 2018. Tarif TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus pour des départs du 14 janvier au 14 mars 2019. Franchement, la prime de Noël chez Opel, j'y avais pas cru. Une reprise de 4 000€ minimum pour l'achat d'une Opel. Ça va, mais bon, j'ai pas 4 ans, quoi. J'ai passé l'âge, je crois, au Père Noël. Hein. Et ben en fait, il paraît que c'était vrai. Et moi, je suis le seul à y avoir pas cru, le nul, quoi. Elle sera trafiquée, ma voix, hein. Je préfère, merci. Le Père Noël existe bien. Jusqu'au 31 décembre, bénéficiez d'une prime de Noël Opel de 4000 euros pour la reprise de votre véhicule et l'achat d'une Opel neuve en stock identifié. Offre non cumulable réservée aux particuliers. Conditions sur opel.fr. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le cadeau de Nicolas qui change. Avec 30% de remise sur le bijou diamant de son choix dans les espaces bijouterie Auchan, la vie en or. Moins 30% Nicolas. Repense à la tête qu'elle a fait l'an dernier quand tu lui as offert un aspirateur. C'est le moment de te rattraper, non ? Jusqu'à ce soir seulement, vos espaces bijouterie Auchan, la vie en or, proposent 30% de remise sur le bijou diamant de votre choix. Et vos cadeaux changent. Auchan. Hors promotion et catalogue en cours. Waouh, t'as changé un truc, non ? Une nouvelle couleur ? Ah non, je sais, t'as changé de style. Ah, c'est vrai que mon salon est plus rayonnant. Hein. C'est peut-être grâce à l'aloe vera que Loïc m'a offert. Ça a des vertus rajeunissantes, il paraît. Jusqu'au 31 décembre, les plantes sont en fête chez IKEA. L'occasion de faire plaisir à petit prix avec l'aloe vera et son cache-pot 12 cm à 4,99€ au lieu de 6€. Profitez-en grâce à notre carte gratuite IKEA Family. IKEA. Offre dans la limite des stocks disponibles, voire conditions sur IKEA.fr. RTL. On a tellement de choses à se dire. Le grand jeu RTL de Noël. Eh bien, dites-moi, c'est parti. Énormément d'appels au 3210, énormément de SMS également avec RTL. Léa avait beaucoup de boulot, hein, ça je ne vous cache pas. Et bienvenue à vous, Chloé, sur l'antenne. Bonjour, Chloé. Bonjour, Isabelle, merci. Comment allez-vous ? Super bien, tout excité. Très très bien. J'imagine. Alors, comment ça s'est passé pour vous ? C'était SMS ou 3210 ? SMS. Très bien. Chloé, vous nous appelez d'où donc ? De la Côte-sur-Loup. Ah, c'est près où, de Nice. Ça ? C'est près de Nice. Ah, d'accord, dans les Alpes-Maritimes. Quel temps fait-il aujourd'hui ? Il a fait beau aujourd'hui. Bon, les nuits, mais il a fait très beau. D'accord. Très bien, Chloé. Expliquez-moi un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous, pour Noël, pour les fêtes. Qu'est-ce que vous allez faire ? On va partir en famille dans le sud-ouest. Où ça ? Fêter Noël ensemble à Anglet. À Anglet, très bien, c'est juste à côté de Biarritz. Exactement, entre Biarritz et Bayonne. Donc voilà, on va aller faire Noël là-bas. On a convoqué le Père Noël là-bas. Ah, mais il va passer donc à Anglet aussi. Ouais, c'est ça. Mais également sur RTL, ce Père Noël. Oui. Puisque je vous le rappelle, Chloé, vous allez jouer soit pour un MacBook Air ou alors un voyage de rêve au Vietnam. C'est fou. Et oui, les deux cadeaux sont fous. Eh oui, ils sont fous les deux. Mais il va falloir quand même vous concentrer, Chloé. Soit vous allez jouer avec Julien Courbet, que vous retrouvez, je le rappelle, tous les matins de 9h30 à 11h sur RTL dans Ça peut vous arriver. Ou encore avec Patrice Carmouze, tous les matins également sur RTL, avec Stéphane Bern dans À la bonne heure. Alors, vous vous concentrez, Chloé, s'il vous plaît. Vous faites un effort, d'accord ? Je vous écoute. Je vais jouer avec Julien Courbet, s'il vous plaît. On écoute notre Juju ? Oui. Allez, c'est parti ! Bonjour, c'est Julien Courbet. Félicitations du Delta du Mékong. À la baie d'Along, vous gagnez un voyage de rêve à la rencontre du Vietnam avec Salin Holidays. Merci, Chloé. Oui. C'est dingue, merci beaucoup. Vous allez pleurer, je le sens. Oh là, merci, mais j'ai jamais été là-bas. Enfin, c'est magnifique. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyagez un petit peu, Chloé, ou pas du tout ? De temps en temps, j'adore ça, et je vais quand je peux, mais c'est génial, vraiment c'est merveilleux. Écoutez, vous allez partir, et les feux d'artifice. Chloé, je vais même demander à Pierre, notre réalisateur, de mettre la musique adéquate. Et je vais vous expliquer ce que vous allez faire, Chloé. Pour ce circuit, écoutez bien, c'est un voyage fabuleux que nous vous offrons, puisqu'il s'agit d'un circuit de 12 jours en pension complète au Vietnam, organisé donc par Salin Holidays. N'oubliez pas, très important, ce spécialiste des circuits à travers le monde. Votre voyage pour deux commencera à votre porte, puisque Salin Holidays assure pour tous ces circuits votre transfert au plus près de chez vous jusqu'à l'aéroport de départ. Puis vol régulier pour Ho Chi Minh, endroit magnifique, d'où vous partirez en compagnie de guides francophones pour un circuit jusqu'à Hanoï. En passant par le delta du Mékong, vous visiterez également la cité bien sûr impériale de Hue. Très jolie Hue, vous me direz des nouvelles, vous m'en direz. Vous découvrirez Ninh Binh avec ses rizières et ses paysages somptueux. Et enfin, Et enfin, un vrai régal, la baie d'Along, où vous vivrez une expérience inoubliable, puisque c'est à bord d'une jonque traditionnelle que vous vous embarquerez donc pour une croisière au cœur de cette baie époustouflante. Et pour en savoir plus, Salin, bien sûr, holidays.com, vous allez faire, Chloé, croyez-moi, un voyage inoubliable. Avec RTL aussi. Merci, merci. Ça a l'air sublime, merci beaucoup. Ce sera, croyez-moi. Oh là là, merci beaucoup. On vous embrasse, passez de très très bonnes fêtes de fin d'année. Vous ne quittez pas. Et d'accord, vous embrassez merci Marie. Beaucoup. Et encore bravo. Oui, il va être merci, merci beaucoup. Et merci, bravo à vous Chloé. Merci. Et prochain rendez-vous, bien sûr, demain matin, juste avant 9h. Vous vous inscrivez dès maintenant en appelant le 3210. Vous envoyez RTL par SMS au 74 900. Bonne chance à vous et encore bravo, Chloé. Jusqu'au 25 décembre, c'est le grand jeu RTL de Noël. Allez, c'est reparti. Nous retrouvons Laurent Ruquier et ses grosses têtes. Les grosses têtes cherchent l'invité mystère. Sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous auriez retrouvé, vous, Alexandre Bréfort ? Oui. Ah, ça c'est bien. Voilà qui est honnête. Comme tu te la pètes. Un homme cultivé. Un homme cultivé, oui. Donc, un homme, donc. Hein. Un homme. Un homme. Cultivé. Est-ce que vous avez déjà participé à l'émission en tant qu'invité ? Enfin, je veux dire, comme nous, quoi. Comme grosse tête, tu veux comme dire. Comme grosse tête, oui. Ah, c'est une bonne question. Oui. Oui. Ah, vous êtes une grosse tête. Une ancienne, c'est ou un collègue. Il y en a pas 36 000, hein. Ah, il y a du monde qui est passé ici en 4 ans. Croyez-moi. Voici un premier indice. Vous avez déjà participé vous-même à un opéra ? C'est vrai que c'est un chanteur d'opéra qu'on vient d'entendre. Qui chante Too Late ? Too Late. Est-ce que quand vous êtes arrivé, on vous a demandé de faire des selfies ? C'est Paul Robson, non ? Le chanteur qui chantait avant. Non, c'était Roland Haïs. Mm-hmm. Vous l'aviez reconnu, vous, invité mystère ? Bien sûr. Est-ce que vous avez des enfants, invité mystère ? Non. Vous êtes célibataire ? Oui. Est-ce que vous avez une région de prédilection dont, par exemple, vous pourriez venir et que vous promotionnez, que vous mettez en avant ? Christine O'Krent pense que vous êtes Lambert Wilson. Seriez-vous Lambert Wilson ? Eh bien, non. Non. Dommage. Lambert Wilson n'a pas fait grosse tête. Pour l'instant, on aimerait, mais... Ah oui, il n'a pas fait d'enfant non plus. Voici un autre indice. Gagarine, sous des étoiles grenadines, j'imagine tes yeux bleus indigo. Gagarine, une question me turlupine. Gagarine, tout en haut. Chantal Latsou propose Roberto Alagna qui est venu faire grosse tête régulièrement. Régulièrement, c'est vrai. Et qui est autrichien. Et il est autrichien. Et il est autrichien. Oui. Ah, voilà. Non, mais oubliez l'Autriche. Hein. Ah, ben, c'est important. Notre invité est avant tout français, on connaît comme français. Et on vous dit en plus qu'il est venu aux grosses têtes régulièrement. Oui, mais est-ce qu'il avait ses culottes bavaroises ? Un peu moins ces derniers mois, certes. Mais quand même, vous le connaissez tous, notre invité mystère. Non, mais j'ai honte pour vous, les uns et les autres. Chantal Latsou propose Fabrice Eboué, dont le côté autrichien ne vous aura pas échappé. Oui, ses origines, en tout cas. Quant à Christophe de Chavannes, il propose Élie Semoun, même chose. Attends, mais écoutez. Voici un autre indice. Ah, voilà un générique d'émission de télévision restée célèbre. Jean-Jacques Perroni propose Gaspard Proust, mais vous n'êtes pas Gaspard Proust. Non. Mais c'est vrai que Gaspard s'appelle Proust et d'origine serbe, si ma mémoire est bonne. Je suis trompé. Mais pas autrichienne, slovène même, pardon, pas serbe, slovène. Christophe de Chavannes a identifié notre invité mystère. C'est le premier, bravo, bravo. Christophe. Pour les autres, je vais être obligé de dégainer un indice mortel. Jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde. Un bon indice, n'est-ce pas, invité mystère ? Excellent indice. Jean-Marie Bigard propose Luc Plamondon, qui est aussi autrichien d'origine, on le sait. Et français, comme chacun sait. Bon, ben, je me tourne vers l'unique. Attendez, ouais, non, c'est la première fois de ma vie que je trouve. L'unique gagnant, ouais, c'est la première Christophe fois. De Chavannes. Il s'agit de un des deux Bogdanov. Eh ben, j'ai trouvé aussi. Grishka Bogdanov qui va nous rejoindre. Les grosses têtes, 16h-18h sur RTL. Laurent Ruquier. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Mais non, les enfants, on va pas manger un chaton, mais un chapon. Un chapon. Jusqu'au 31 décembre, dans votre Intermarché, le chapon fermier Label Rouge Origine France, loué ou Saint-Sevé, est à 9,49€ le kilo, avec en plus 6€ en avantage carte par chapon. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Selon approvisionnement en magasin, chapon d'environ 3 kilos. Modalité magasin participant sur noël.intermarché.com. Muriel Robin nous parle de son livre « Fragile ». Vous et moi, on se connaît depuis longtemps. On a beaucoup ri ensemble. Mais je ne vous ai pas tout dit. De moi, de mes fragilités, qui sont peut-être aussi un peu les vôtres. Ce livre, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire. Mais j'y ai mis aussi et surtout, tout mon cœur. Fragile, de Muriel Robin. Un livre XO. Carrefour, on a tous droit au meilleur des Noëls. Ma femme est très saumon et moi plutôt foie gras. Alors quand j'ai vu que pour Noël chez Carrefour, il y a 10€ en bon d'achat tous les 30€ d'achat sur tous les foie gras et saumon fumé, j'ai pas hésité. Résultat des courses, se régaler à Noël et faire des économies, c'est possible. Jusqu'à dimanche, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez de 10€ en bon d'achat tous les 30€ d'achat avec votre carte Carrefour sur tous les foie gras et saumon fumé. Vos magasins sont ouverts dimanche toute la journée. Carrefour. Offre limitée à 90€ d'achat. Modalité magasin participant et ouvert dimanche sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Allez, nous retrouvons Laurent Ruquier et son invité mystère. Grishka Bogdanov était bien notre invité mystère. Je vais remercier. Il n'a pas bougé. Vous pouvez remercier Christophe de Chavannes, le seul. Excusez-moi, le seul et le premier surtout. Alors, non mais je sais ce qui les a égarés, c'est l'Autriche. Et oui, et parce oui, que non, ma grand-mère est autrichienne. Pas alors, du évidemment. Tout, c'est qu'ils pensent tous que vous êtes encore en prison. Ah, mais c'est pour ça. Évidemment. C'est ça, en fait. Non, mais bien sûr que c'est ça. Ben oui. Mais peut-être que mon frère y est, d'ailleurs, on ne sait pas. Voilà. Mais vous nous apportez un joli cadeau pour Noël et la preuve que vous êtes libres, les Bogdanov. Incroyable merveille technologique chez Flammarion. C'est vrai que mes camarades ne pouvaient pas imaginer que pour Noël, vous alliez nous apporter ce magnifique cadeau avec des choses qu'on ne verra que demain et après-demain même. Oui, demain et après-demain. C'est vrai que 80% des objets qui vont changer notre vie quotidienne dans pas longtemps, hein, dans un an, deux ans, n'existent pas encore. Mais 2019, c'est-à-dire donc l'année qui vient, va être extraordinairement riche en inventions nouvelles. Par exemple, tout à l'heure, j'ai discuté avec un ami qui est ici et qui me dit je suis adepte de moto. Eh bien, je lui ai dit, eh bien, écoute, là, dans deux mois, ils vont inventer va exister la moto. Une moto volante. La moto volante qui s'appelle la Horus, qui va voler grâce à deux systèmes hyperpropulseurs, donc qui permettent de créer un effet de sol. Mm-hmm. La moto s'envole. Bien sûr. Et en plus, c'est pas dangereux du tout, hein, parce que t'as pas besoin d'avoir une licence, un permis. Non, pas du tout. Non, mais c'est pas je ça, l'ai c'est que... déjà essayé, je peux vous le dire. Ah, vous mais avez sinon, volé à moto. J'ai volé à moto. Mais j'adore cet invité. Non, mais il a volé une moto. Tu sais, j'ai connu ces garçons en 1983, car les premiers pas que j'ai fait à la télévision, je les ai fait pour Temps X. Exactement. Et j'ai fait un sujet sur le silence pendant 12 minutes, et je vous jure que faire un 12 minutes sur le silence a été une épreuve pour moi absolument énorme. Mais depuis, je trouve qu'ils ont changé. Mais quand même, c'est un mec, on fait tout pour lui enlever les ennuis. On le sort de cabane. Il arrive ici, il va nous fourguer une moto qui vole. Mais oui. Non, mais c'est pas une moto volante, c'est une moto volée. Est-ce que vous pourriez me dire s'il va y avoir des progrès pour les tire-bouchons? Dans notre livre, on part de cette question. Effectivement, bravo, parce qu'il a posé la bonne question. Ah, vous voyez. Comme toujours. Et il y a un aérateur, et ça c'est un progrès, un aérateur pour le vin, qui permet effectivement d'aérer le vin juste à la bonne proportion. Donc c'est comme une sorte de fil qui permet de faire passer l'oxygène. Ça fait 10 ans que ça existe, oui. Mon ami. Mais non, parce que celui-là. Parce que celui-là capte l'humidité. Mais non. Attention. Il va s'énerver. Ah, je vais pas tout ce que vous dites, vous dites que c'est pas vrai. Il est quand même le seul venu sur une moto volante. Ben, bien sûr, elle est là d'ailleurs. Et l'immeuble en selle, ça va exister, l'immeuble en selle. En mer oui. Ah oui, oui. Non, en selle. L'immeuble en selle va exister, et d'ailleurs je l'ai rebaptisé, ça s'appelle le gratte-sel. Très joli. Alors là, je vais te dire, je le note. Non, mais... ah non, vous l'auriez pas dit, il va nous le resservir l'année prochaine, lui. Non, mais sérieusement, c'est une région du monde où il y a beaucoup de sel, et la pierre, le calcaire est remplacé effectivement par le sel. Mm-hmm. Et à partir de là, évidemment, on est en train de construire aujourd'hui des magnifiques immeubles en sel, ouais, qui permettent en même ça, temps c'est de... possible, pour ça. Faire habiter des lapins. Faut pas que Jean-Jacques, il habite là-dedans, parce que ça va y donner soif, il a pas besoin de ça. Et surtout, c'est pas terrible pour les gars qui ont du cholestérol. Hein. Ouais. Non, mais il y a quelque chose de très rigolo. Et les robots, on va vraiment avoir des robots alors? Ah bah oui, bien sûr. Depuis le temps qu'on nous en parle. On nous en parle et ils sont là, effectivement, maintenant, des robots domestiques, des robots qui sont capables de nous assister dans toutes les situations. Il y en a un qui s'appelle, qui est extraordinaire, qui a vraiment une physionomie humaine et qui est capable de répondre de manière très claire, parce qu'il est social, on lui a donné un instinct social. Il s'appelle Grishka. Et il parle, oui, exactement. Mais il y a quelque chose d'encore plus amusant pour ceux qui ont des animaux de compagnie. Ça s'appelle le linguacène. Et le linguacène, c'est un collier qu'on fixe sur donc le cou du chien. Et le chien s'exprime. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'aboyer, il vous dit « j'ai faim, j'ai soif », etc. Et donc, on sait statistiquement comment le chien peut s'exprimer. Et donc, on classe évidemment tous les aboiements du chien dans une intelligence numérique centrale. C'est terrible. Et ensuite, il parle. Non, non, c'est terrible, délirium tremens. Hein. C'est affreux. Mon cheval me parle. Oui. Mon cheval me... Mais là, écoute. Non, mais ça, c'est la révolution numérique. Je connais un grand philosophe qui ont demandé pourquoi est-ce que les animaux ne parlent pas. Il avait répondu cette réponse que je trouve géniale, parce qu'il n'aurait rien à se dire. Et on a dit pourquoi ? Il dit parce que ce qu'ils ont à se dire, ils le disent. J'ai faim, j'ai froid, j'ai envie de baiser, je suis en colère. Ça, ils le disent. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est mentir. Et c'est en ça où c'est le langage. Le langage, c'est dire j'ai pas faim quand j'ai faim. Et ça, ils ne pourront pas. Mais qu'on puisse traduire les bases même de la communication, à savoir j'ai faim, ah t'es belle, ou Christine Ockrent vient d'avoir peur. Ah non, mais je trouve que c'est totalement crédible. Bien oui, c'est que, crédible. Bien que. C'est crédible, ça existe. Bah, je crois que vous venez de trouver votre triplé. Je glisse en tout cas dans la valise RTL, incroyable merveille technologique, en route vers le futur. Ce qui vous attend, ce qui nous attend d'ici 2021, c'est chez Flammarion, le nouveau livre des frères Bogdanov à offrir pour Noël et ceux qui veulent en savoir plus sur notre futur. Merci Grishka Bogdanov. Merci à tous. À demain 16h, je vous laisse en compagnie de Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir Laurent. À demain pour les prochaines grosses têtes sur RTL. RTL, première radio de France. Il est 18h.